deux heures pour ne rien dire. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. C'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Eh ouais, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue pour la deuxième édition des débats de Gérard. Oh, tu l'harcèles déjà, mon salaud. On va saluer à l'AREA, donc Manu. Bonsoir à tous. Donc, qui était là durant avec Max. Je pense que ce soir, on va bien travailler. Écoute, au standard, vous avez Laurent. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Laurent. Un privilège d'être là. Avec Olive. Ouais, salut, Gérard. Bonsoir. Ça fait trop kiffer de bosser avec toi. Ouais. Si ça te fait chier, tu vas... Ça me fait kiffer. Et sur le site internet www.funradio.fr, donc vous avez Valérie. Salut, bonsoir, Valérie. Donc je pense que sur l'internet, on a du monde. Donc on va saluer quelqu'un que je lui avais promis. Une dénommée Linda. Donc on va y faire un petit coucou si elle est toujours là. Donc j'espère qu'elle aura reçu mon message. T'es chaud, toi, mon salaud, dis donc. C'est à côté, là. C'est avant, quand tu chattes avec les auditeurs. Non, parce que normalement on aurait dû discuter un petit peu et ensemble avant le débat, et donc elle m'a dit passe-moi un petit coucou, donc voilà. Donc si Valérie t'as des news d'elle, tu me le dis au de Linda. De Linda. D'accord. Donc pour ça, on va accueillir pour le débat. Donc le débat, c'est un débat sur les dictateurs. On va accueillir Fidel Castré. Bonsoir. Bonsoir, j'appelle de Cacapulco, j'ai 30 ans, c'est 119.9, la fréquence en FM, bonsoir. Bonsoir. Après, on a Eva de Munich. Eva! Oui, je suis là, bonsoir Gérard, j'appelle de Munich et 111.2. Bonsoir. Donc, Ben Lezen, du Pas-de-Calais. Oui, c'est Ben Lezgen, bonsoir, j'appelle d'une grotte dans le Pas-de-Calais, 103.4. Ouais, bah, je le sais, merci. Et Trotsky. Ouais, bonsoir équipe, bonsoir Manu, Pauline, Lolo, Valérie, et salut le Tolar. Bonsoir. Et le Tolar, il t'emmerde parce que sinon tu vas pas rester longtemps, d'accord? Non, c'est bon, prends le doucement, Gérard. D'accord, t'appelles d'Auvergne 101.2. Voilà. Et normalement, si je me trompe pas, je sais pas qui c'est qui m'a redonné ça. Normalement, on a Pinocchio. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On va attendre Pinocchio un petit moment, Gérard. Attendre. Commence déjà avec les 4 premiers. Voilà. Bah, allez, Gérard. Bonsoir, tu fais des blancs, là. On le garde, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vas-y, on y va, on enchaîne. On va te le mettre sur une ligne correcte, d'accord? Allez. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'un dictateur? Un dictateur? Wow, Eva! Non, c'est pas moi, je suis désolée. Attends, Gérard, tu vas quand même pas commencer à virer une main. Qu'est-ce un dictateur? Ah, tu veux dire. Clair, net et précis! D'accord, un dictateur, c'est un monsieur qui veut commander tout le temps. Et d'ailleurs, mes parents, ils m'ont donné le prénom d'Eva, qui est en fait Eva Braun, la femme d'Hitler. Voilà. D'accord. Ouais. Fidèle? Ouais, Fidel Castré, bah écoute, dictateur, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a un but dans la vie, on va dire, et il est prêt à tout pour arriver là où il a décidé qu'il arriverait, quoi, en fait. Donc c'est un gars qui s'embarrasse pas des détails et des méthodes, des états d'âme. T'inquiète. Non, mais je m'inquiète pas. Et donc voilà, c'est le gars, il s'en fout, il trace la route, tu vois, même s'il faut couper 2-3 têtes au passage, ça le dérange pas, c'est pas ça qui va l'arrêter, tu vois. Ouais, bon, à mon avis, je sais pas. Là, je sais pas. Non, mais attendez, je sais pas ce qui se passe là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, explique-moi tout. T'as mal quelque part, il y a quelque chose qui tombe ou quoi? Non, c'est bon, il est. Encore? Il est entier, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aucun problème. Non, parce qu'on a un léger larcin. Mais oui, c'est toi avec ton casque. Mais non. Mais si, c'est toi, mec. Baisse le niveau de ton casque. Mais non, mais si je le baisse, j'entends rien. C'est dingue. Regarde, tu larcines plus. Un dictateur. On m'avait dit que t'étais pro, Gérard. Ça c'est pas gagné. Il est pro quoi, on sait pas, mais allez, vas-y. Voilà, maintenant ça va déjà mieux. Ah. Bah oui. Voilà, parce que c'est le mieux. Allez, GG, on y va. Oh, écrase-toi, hein. T'avais une ruche dans l'oreille, ça. Ben Lezen. Oui, bah écoute, un dictateur, c'est un maître absolu, Gérard. Quelqu'un un peu comme toi, d'ailleurs, en fait. Tu es un peu le dictateur ce soir de l'émission, je crois. C'est vrai. Quelque part. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est le maître absolu, en fait. Et le chef, quoi. C'est le chef. D'accord. Celui qui commande tout le monde. Trotsky. Ouais, bah écoute, pour moi les dictateurs, a priori, c'est des gens qui sont quand même pas très sympas. Hein. C'est pas, c'est des mecs qui font quand même des choses assez violentes. Hein. C'est plus des histoires de piquer des euros dans les porte-monnaies. C'est plus des trucs dans ce genre-là, tu vois. C'est quand même beaucoup plus violent. Ça va plus loin. Et oui, ça va beaucoup plus loin, hein, c'est clair, hein, les mecs qui... Bah alors, hé, Trotsky. Oui. Trotsky. Tu sais ce que je veux dire? Hé, hey, je veux te dire une chose. Au revoir. Voilà. Laurent, s'il te plaît, tu me vires Trotsky. Et t'amènes Pinocchio, là. Et on va prendre Pinocchio. Voilà qui est la Pinocchio. Voilà. Ça, c'est pas de la dictature. Ouais. En espérant que tu vas pas nous faire... En espérant qu'il va pas nous faire la même chose. Non, parce que sinon, tu vas faire comme l'autre. Lille, c'est quelle fréquence, s'il te plaît? Écoute, j'ai pas la radio parce que là où je suis, je reçois pas très bien. Hein. T'es de Lille? Oui, je suis de Lille, oui. Alors la fréquence? Mais il la connaît pas, il va pas l'inventer. Ah, mais il est dans un camion, c'est un routier. Attends, ça saurait si les auditeurs ils inventaient les fréquences. Pas routier, les routiers, je les aime pas trop, hein. T'aimes pas les routiers, bah alors dans ce cas-là, n'ayez crainte qu'il y aura peut-être un débat sur les routiers. Moi je participerai pas. N'ayez crainte. Bien. Ouais, moi je serai pas là non plus. Ça fait combien de temps que tu... Bah, de manière, si vous aimez pas les routiers, je vais vous dire une chose, si vous aimez pas les routiers, dans ce cas-là, allez vous faire foutre. Bah, pourquoi? Eh, les routiers, c'est eux qui vous amènent la bouffe dans les magasins tous les matins, d'accord? Alors, de bon entendeur, salut. Moi, j'adore les routiers. Moi, j'adore les routiers. Terminé. On s'en va. Il y en a des bonnes, hein, des routiers, hein. Un bon rôti de routier à midi. Ouais, vu ce qu'on bouffe, on est pas trop tiers. Une chaise de routier, bim, sur la casserole. Ah, ça dépend du routier. Bon, vas-y, GG, on y va. Allez, on y va, là. Bah alors, Pinocchio, là. Ouais, GG, qu'est-ce qu'il y a? Tu réponds ou tu réponds pas? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'un dictateur? Alors, qu'est-ce qu'un dictateur, c'est ça? Ouais. Alors, moi, je pense qu'un dictateur... Non, attendez, là, on a un problème, c'est que j'ai même pas de retour de casque, donc... Et sinon, tu l'arsènes, alors... Tu mets trop fort dans ton casque. Voilà, baisse. Mais non. Baisse. Mais il n'y a pas de nom, Gérard, non, c'est non, tu non, baisses. Non. Si, si. Mais parce que sinon, il arsène. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de l'arsène. Si je le baisse, j'ai pas de retour. Ça, c'est l'oreille en acajou, hein. Je joue au loto, tu pourras t'acheter un sonotone. Allez vous faire enculer, d'accord? Oh là là, il y a des rapages. Mais il s'arrête tout le temps, il veut pas baisser. Il se passe. Mais attends, tous les jeudis, je le mets comme ça, mon casque, il n'y a jamais eu de problème. Ça l'a harcelé, même moi, ça l'a harcelé la semaine dernière. T'as plus de fourmis dans l'oreille que d'habitude. Allez, on y va. Regarde, tu vois, c'est toi quand tu t'approches, il y a un problème. Mais non, mais c'est ça là. Putain. Et Gérard, c'est quoi un dictateur? Ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce qu'il y a de l'air qui passe là. T'as trop grande. Oh là là. Allez, mais baisse. Changez de casque. Non, parce que là. Vas-y, changez d'animateur là-haut. Oh, mais tout le cul, toi, connard, d'accord. Eh, vous allez pas me casser les couilles. Bah alors, c'est quoi un dictateur, Gérard? Ferme ta gueule, toi, connasse. Oh, non, Gérard, c'est dur. On peut y aller dans ce débat, là, les gars. Non, mais c'est d'autant plus dommage que c'est intéressant et que Gérard... Bah, attends, toi, tu es. Toi, tu fermes ta gueule. Maintenant, il est d'accord avec toi, il dit que c'est génial. Pour une fois qu'il est... Oh là là. C'est un bon débat, hein. Bah ouais. Mais non, mais essayez de le respecter aussi un peu, quoi. Vous parlez tous sur Gérard et tout ça, c'est pas cool, quoi. Je les ai coupés. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Putain, il galère déjà avec le casque et tout ça. Je sens que le débat il va vite se terminer, moi, vous allez voir. Ouais. Hey, j'attends toujours mon café, hein. Bon, donc, Gérard, ce qu'on va faire, écoute, repose la question. Les auditeurs ils sont en attente là. Repose la question et on y retourne. Qu'est-ce un dictateur, c'est tout. Terminé, voilà. Point final à la ligne. Allez, à vous les gars. Ok. Ouais, bah oui, On a déjà répondu, donc... Tu vois comme ça commence, là. Pose la deuxième. Gérard, s'il te plaît, les gens aimeraient bien répondre à ta question. Non, allez. Gérard, il y a des gens qui ont déjà commencé à te répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, on y va. Mais quoi, enlève le casque à l'arsène. Mais parlez pas tous en même temps. Olivier, tu dégages. Il a rien fait, s'il vous plaît. Non, non, je commence pas à travailler comme ça. S'il vous plaît, passez pas tous en même temps. Mais non, c'est déjà le bordel, déjà. Tu me vires tout le monde, là. Non, tu vas te démerder. Tu vas me virer tout le monde, c'est rien que des habituels. Non, c'est pas vrai, Gérard. Arrête, de toute manière, je sais très bien que vous me prenez des habituels. Vous dégagez. On va pas commencer comme ça. Tout le monde dégage, on reprend après. On va pas commencer comme ça, il y a des gens qui répondent. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Vous me prenez personne du standard. Non, mais attends, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me prends des gens au standard, terminé. Bah oui, mais c'est ce que j'ai fait. Non, c'est pas des gens du standard, ça. Mais Gérard, ça, c'est des habituels. Il y a des gens qui répondent très sérieusement à ta question. Non, c'est des habituels. Ils sont sensibles déjà. Je ne suis pas d'accord, c'est des habituels. T'as compris? Ah, c'est incroyable. Attends, Laurent, tu lui réponds pas comme ça, Gérard. C'est les habituels, j'en veux pas. Fais-toi respecter. L'agenda que Pedro il avait, il est hors de question qu'il soit entre tes mains. Non, je suis désolé, non. C'est Europe terminée. C'est les habituels, j'en veux pas. C'est dégueulasse. J'en veux pas, c'est les habituels. Qui Fidèle, c'est quoi ça? Mais ça, Fidèle Castro, c'est connu. C'est Fidèle Castro qui est là. Non, c'est pas vrai, Gérard. Mais si, arrête tes conneries. J'ai reconnu les voix. Non, très franchement. Non, allez. Manu, tu m'envoies une zikmu. Moi, je reprendrai le débat qu'on aura d'autres auditeurs. Ouais, c'est bon, je le dis. Respecte les auditeurs. Ah, putain. Non, mais de toute manière, à chaque fois... À chaque fois, c'est pareil. Dès les premières questions, c'est les mêmes c'est les mêmes. On les vire. Donc c'est les habituels. Donc les habituels, je n'en veux pas. Au revoir. Terminé. Ah bah quand même. Ouais. Alors au standard, terminé le répertoire avec les numéros. Non, il y a aucun répertoire. Je l'ai pas. Gérard, je commence. Moi, je suis. Mais même de toute manière, tu l'avais la semaine dernière. Arrête. Arrête, tu l'avais. Non, c'est pas Tu l'arsènes. Mais non. Non, mais de toute manière, tu l'avais la semaine dernière. C'est pas vrai. Donc, on va s'écouter Christophe Bocassa. Le Mister, c'est mon dada et on se retrouve tout de suite après au 0825-08-5000. La misère et mon dada. A tout de suite au 0825-08-5000 et toujours sur le net www.funradio. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu faisais avec lui, avec un auditeur au standard? Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas qu'on commence à travailler comme ça. I'm lying next to fiends now. That's the end of the story. Let me bring y'all niggas back to the very first scene now. December 4th, a child is born before I knew it. Rien pour. Baisse la musique, on parle. On va rien faire du tout cette semaine. Alors, c'est comme ça, hein. Non, mais c'est vrai, alors, il y a un moment, les auditeurs, ils étaient pas super cool, quoi. Ils parlaient tous les uns sur les autres. Non, mais c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Olivier? Pourquoi tu veux mais le faire? Olivier, il a rien fait. Mais même quoi? C'est pas des arguments. De manière, même lui, il a le numéro de téléphone des habituels. Non, mais attends. Ça, c'est les habituels. On les admirait. Qui c'est que t'es avec qui est habituel? Fidel Castro. Mais oui, mais il les a repris sous d'autres noms. Mais il appelait Dakakakpulko. Mais non, mais attends. Gérard, Pinocchio, je l'ai eu, il habite à Lille. Attends, je te passe. En fait, on te prend ton numéro, on te rappelle. C'est quoi? Un auditeur, tu veux... Mais prends-le, toi. Prends son numéro. C'est pourquoi? Il veut intervenir. Attends, il dit d'aller te faire enculer. Attends, voilà, tu l'as raccroché au nez, bravo. Bah fais-le toi le standard. Non. Bah on reprend dans combien de temps là? On reprend dans 2 minutes. Non. Bah, attends, s'il y a personne, moi. Mais si on les a, c'est bon. T'inquiète. Ça y est, c'est bon, ils arrivent. Il y en a des nouveaux. Il y a une nouvelle liste. Qu'est-ce que c'est comme disque qu'on était en train de mettre là? C'était qui ça? C'est quoi? Bocassa, non? Ça c'est le titre. Ouais, bon alors c'est quoi le truc? C'est quoi le bordel là? Non, mais attends. T'as fait quoi comme question là déjà avant qu'on reprenne? Non, on est que sur la première pour l'instant, j'avance pas. Bon, attends, assis-toi. Attends qu'on n'aura pas d'autres auditeurs, j'avancerai pas le débat. Il y a des nouveaux auditeurs. Il y en a des nouveaux, Gérard. On est en train. Il y a une nouvelle équipe qui arrive pour répondre à tes questions. Hein? Une minute? Ouais. Attends. Vas-y, installe-toi déjà. Il faut qu'ils reprennent le débat. Non, faut me trouver quelqu'un d'autre pour. Mais qui? Il n'y a personne. Mais il n'y a personne. Mais attends, mais. Non, c'est pas prévu. Mais attends, mais. Bah ouais. C'est cool, tout le monde. C'est ouais, pas c'est grave. Cool, hein. De bosser avec toi, mais comme je connais pas les jeunes qui sont là, les stagiaires, il y a plein de mecs qui veulent bosser. Moi, j'ose pas les mettre. Et regarde comment tu lui parles à Laurent alors qu'il a. Tu sais qu'ils ont peur, hein. Bah attends, la semaine dernière, ça a été pareil, ça a été les mêmes. Mais non. Ah non, j'étais pas là, moi, déjà. Les mêmes, à un moment donné. Déjà, Laurent, il était pas là, Manu, déjà. Ah c'était ouais, pas déjà. Les mêmes. On a changé l'équipe, voilà, Valérie. Elle était pas là. Bah si, elle était sur le net. Et sur le net, ça s'était très bien passé. Bon, on y va. On va y retourner, hein. Attention, on y va. Ton casque. Mets ton casque. Mets mon café. J'y arrive. Mets ton casque. Le SDF et son débat. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu fais une toute casse, là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. Rebonsoir, donc excusez-nous de ce qui vient de se passer. On venait de s'écouter Christophe Bokassa, La misère, c'est mon dada. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un petit problème, c'est qu'on a eu les mêmes auditeurs que d'habitude. Non, c'est pas vrai. Et si, parce que je connais très bien les gens. Donc on a eu les mêmes. Et on a. Bah oui, bah voilà, comme ça, j'ai rien. Mais si, t'entends mais quand non, même. Non. Allez, c'est pas grave, on y va. Donc, je sais pas, j'ai pas la liste. On accueille Maria Pinochet. Non, mais je peux avoir la liste. Oui, bah je vais te la donner, mais laisse-moi travailler, quoi. elle arrive là, voilà, si tu veux. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. On a François qui nous appelle de Nantes aussi, très sérieux. François. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir François. Et on a un Anglais qui nous appelle de Londres et qui s'appelle Trevor Jones. Voilà. Hello, Mr. Cousin. Bah non, alors lui, terminé. Terminé. How are you, Mr. Cousin? Ah non, allez hop, okay. Scoulage, je dis amen, au revoir. Non, Trevor Jones, il est où? Allô? Ouais. Passe-moi à l'antenne, attends, ouais. Je vais lui parler. Tiens, viens, on va se le faire. On va se le faire. Non, c'est terminé. Oh, ta gueule, je te dis de dégager, toi. Gérard, dégage. Viens parler à Trevor. Qui c'est? Allô? Monsieur Jones. It's Trevor Jones. Non, mais attendez, monsieur Trevor Jones, faut arrêter de passer dans les débats de Gérard, ça n'a plus rien à voir maintenant, vous dégagez. Je voulais parler, monsieur Cousin. Non, monsieur Cousin. Allô? Mr. Cousin. Va, mets ton casque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Non, moi je qui faut que je dégage comme ça. Je dégage qui? Je voulais allô. Tu dégages l'autre là de Londres, celui qui arrête pas de dire Mr. Cousin là. Oh, Mr. Cousin. Bah voilà, hop, c'est lui dégage de mais un coup. Mais où quoi? Bah, un coup de silencieux, je peux pas le faire partir music, sinon. Mr. Cousin. Attends, je le cherche. Le silencieux, mais balance. Je le cherche. Oh là là là là, ça l'arsène. Je suis pas rapide là. Je cherche. Possible de parler de je cherche. Écoutez. Mais envoie le son. Mais je cherche le Gérard. Son là, je l'ai fait. Je l'ai pas le son. Mais merde, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah bah dis donc. Mais j'arrive pas à l'enlever. Putain, merde. Attends, j'arrive pas à l'enlever. GG. Je lui remets un coup. GG. Sérieux? Je peux pas l'enlever. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais non, mais c'est pas moi. Attends, arrête tes conneries. Oh, il a piraté le standard, Laurent. Attends, ah voilà. Oh non, moi je travaille pas comme ça. Et GG sur internet, on est 4600. Oh là là, et c'est parti. La machine est lancée. Bravo. Alors là. Et tu veux une question, GG ou pas? GG, une question? Alors, quelle étude faut-il faire pour être dictateur? Aucune. Question de super menteur. Aucune. D'accord, merci. Il n'y a pas une question. T'as pas de question des deux personnes que je t'ai dit tout à l'heure? La Pinpin? La Pin ou l'autre, Linda? Non. Non, elles sont parties? Pas de question. Non, elles sont là, mais attends. Tu parles à une Pin? Ouais, Pipin. Qui? La Pine, c'est ça? Pinpin, c'est ça, Gérard? Eh, mais fais gaffe que ce soit pas un mec avec Gérard, un nom comme ça. Hein. Qui c'est que tu voulais savoir sur le net? Non, elles sont là. Hein. Non, c'est Linda, j'aurais voulu avoir. Linda, elle est là, ouais. Regarde, Gérard, courage, on t'aime, on écoute les débats. On te fait un gros bisou, mon GG. Ah. Ouais, bah moi aussi, mais je voudrais que tu me poses un peu de questions, toi, sur le site internet. Elle dit qu'elle t'aime. Non, mais un peu de questions. et que tu te calmes un peu, Adi. Ouais, non, mais attends, c'est bah, toi qui le dis. Non, il y a marqué GG. Ouais, mais c'est bizarre, mais... j'ai pas et le site. Gérard, c'est et on accueille Jean Roger, qui a 54 ans et qui est de Paris. Non, mais moi, je voudrais bien avoir les fiches. Je vais te les donner, le temps que je les prépare. Mais... Oui, je dirais toute l'équipe et tout. Le attends, 6, on peut même pas le mettre à l'antenne. Non, le 6, non, c'est impossible. Dis donc, bah, c'était parce que c'est Trevor Jones et apparemment, il était pas d'accord. Mais non, mais c'est bon. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ça y est, allô ? Bonsoir. Bon, bah, c'est bon, c'est à nouveau. Oui, bonsoir, Jean Roger. Bonsoir Jean Roger. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc après on a Maria. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. T'es débordé. Tu m'étonnes. Non mais attends, mais c'est quoi ce bordel là au standard? Non mais il est tout seul, il est tout seul, Gégé. Il en peut plus. Entre moi et Gérard, il transpire, c'est la soirée là. Non mais ouais, c'est clair. Non mais parce qu'on avait une équipe. Pourtant c'est à la cool. Il y avait des gens tout à fait sérieux tout à l'heure qui voulaient répondre à tes questions et tu les as virés. Maintenant je suis obligé de chercher quelqu'un d'autre. Donc que propose M. Gérard est intéressant et c'est dommage que les gens n'y accordent pas une importance autre que une importance médiocre pour le moment quoi. Non mais moi, de toute manière là. Monsieur Mazur, là, ouais, j'espère pas parce que là sinon le débat il va être vite clos, vite. Non mais en plus c'est intéressant, faut avouer, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et je trouve que c'est important d'en parler. Et puis on a bien avancé, il est minuit 35, on a fait une question, moi je veux dire on est bon. Ouais non mais on est bien là. On est carré, on a jusqu'à minuit. Peu de gens en parler et c'est bien que vous fassiez. Non mais si ça vous fait chier de répondre aux questions. Non pas du tout. Vous le dites hein. Bah on attend des questions en fait. Alors qu'est-ce qu'un dictateur? Voilà la question. Maintenant, on va demander à Maria, en espérant que vous allez répondre correctement. Oui, alors Gérard, un dictateur, c'est un homme ou une femme qui utilise ses pouvoirs... À merci de baisser ta radio derrière. Oui, excuse-moi. Merci. Tu l'éteins carrément. Tu l'éteins carrément, t'as dit. Attends deux secondes. Depuis que je t'ai vu tout à l'heure. C'est bon, Gérard ? Voilà, c'est bon. Ouais, donc je disais que un dictateur, c'est un homme ou une femme qui abuse de son pouvoir. Laurent, s'il te plaît, t'essayes de savoir où devient ce bruit. Ouais. Je m'en occupe, merci. Hein ? Ouais, mais je travaille. Non, mais attends. Dans ce cas-là, je vais demander à quelqu'un d'autre Non, mais ça va, regarde, il n'y a pas de problème. Regarde, il y a quatre personnes qui répondent à tes questions, il n'y a aucun problème. Non, mais moi, j'ai pas la liste, c'est ce qui m'énerve. Bon, je vais te la donner dans deux minutes. Dans moins d'une heure, Laurent te donnera la liste des auditeurs. Vers 2h-5, je te file tout ça. Donc, alors, Maria, donc tu disais. Oui, je disais que c'était un homme ou une femme qui abusait de son pouvoir. C'était Hitler, Pinochet, Staline. Hein, tous ces gens-là, et qui en fait savent pas gérer leur pouvoir, quoi, tout simplement. Et souvent, ça finit dans des sales tripes avec plein de morts. Et quand tu vois le dernier cas de Pinochet, il a niqué pas mal de gens. Et puis au final, ça fait un truc glauque, quoi. Mmh. D'accord. Voilà. Malheureusement, c'est... Oh non, mais là, je vais me mettre ailleurs parce que là, c'est impossible de travailler, là. Non, mais... Prends mon micro là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Mais t'en as une grande perche, dis donc, mon salaud. Voilà. Prends mon micro. Attends, c'est impressionnant. On t'apporte la fiche avec Lolo. Non, il est branché où celui-là? Mais c'est bon, t'entends, mec? Vas-y. Là, c'est bon? C'est parfait. Bah attends, moi je. Ah voilà. Ah, mais ça l'arsène toujours? Ah non. Ah, ça m'étonne rien. Ah bah écoute. Non, c'est ton casque, c'est le casque, mais c'est parce que tu l'enfonces pas bien. Tu l'enfonces pas bien, Gégé, on te l'a toujours dit, ça. Moi, toutes tes meufs, elles me l'ont. Allez, on y va dans le débat là, Gégé. Non, mais tu l'enfonces mal, Gégé. Non, c'est bon. Donc, après Maria, on a qui? On a qui, s'il vous plaît? Au standard, là. Je crois qu'on a un nouvel auditeur qui est sur la 6, je le connais pas, il doit être... Bon, il y a Jean Roger, sinon je peux... Voilà, il y a Jean Roger qui est là. Je peux m'exprimer sur la question, si vous le souhaitez. Non, mais moi, je voudrais bien avoir la liste pour savoir avec qui je travaille. Tu peux avancer sans la liste. Je la pars tout de suite. Mais j'ai personne. Mais oui, mais je travaille, j'arrive. Parle avec eux. Jean-Roger. Pour moi, je pense qu'un dictateur, c'est quelqu'un qui est en général assez intelligent. On a remarqué au cours de l'histoire que les dictateurs ont toujours été assez intelligent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver ses marques dans une société bien établie et qui a besoin finalement, pour se sentir bien, de diriger un groupe d'hommes, d'êtres humains, j'entends bien, hein, des hommes et des femmes. Et ça devient petit à petit un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise son pouvoir absolu pour diriger ce groupe d'hommes et qui finalement se met en marge de la société en faisant ça. Voilà. Très peu ont réussi à diriger une société, ça devient des sectes souvent aussi. On accueille Boudin Rouge aussi, hein. Ah non, mais moi je voudrais bien avoir la liste. On est en train de te la préparer. Non, non, non. Attends, Boudin Rouge encore ? Ouais, non. Ouais, salut. Ah, on l'a pas eu, Boudin Rouge. Non, c'est non lui, on l'a pas. C'est moi qui m'en suis occupé. Boudin Rouge ? Ouais. Et le petit chipot, tout ça. Mais... Ouais, salut. Salut. Salut, c'est Boudin Rouge, Dijon, 98.9. Et Jean Roger aussi, hein, qui est là. Jean Roger. Ça va bien ? Ouais, j'écoute. Il écrit en même temps, donc okay, c'est pas facile tous les on jours. On a la liste, tiens, c'est Jean Roger. Moi, Jean Roger, j'ai déjà répondu pour ma part à la question. C'est qui à tes parents ? Donc, voilà. Comment ? J'ai déjà répondu pour ma part. Non, mais attends. Qui c'est qui vient de dire t'écris à tes parents? Alors, Boudin Rouge. Quoi? Dégage. Ouais, j'ai rien dit. Dégage. Ouais, j'ai rien dit. Dégage. Voilà. François. Mais je t'accrasais. Ta gueule, toi. Eh, putain! Ça va arrêter. Avec j'ai envie de câlin et tout ça, j'en ai marre. C'est clair. Envie de câlin. Non, t'as pas envie de câlin. C'est clair. Oui, c'est très clair. Bah, je suis désolé de vous interrompre tout le monde. C'est Jean Roger. Je trouve qu'effectivement le comportement des auditeurs ce soir n'est vraiment pas un comportement sympa. Mais Jean Roger, c'est un comportement néfaste, Gérard. Non mais il y a un truc qu'il va falloir vous mettre dans la tête. C'est que cette saison ne sera pas la même que l'année dernière. Je croyais que c'était un coton-tige, je ne savais pas dans la tête. Ok. Alors, Jean-François, Boulin Rouge et Jean-Roger, tout ça, un conseil que je vous donne. Attends, ils n'ont rien fait, Gérard. Non, Gérard, s'il te plaît. Hein, déjà, Boudin Rouge, on lui a dit au revoir. On lui a dit ça au revoir. Ça y apprendra à lui dire, à dire n'importe quoi. T'inquiète pas. Donc, les autres qui y a à l'antenne, je vous préviens, faites gaffe à ce que vous allez dire. D'accord. À de bon entendeur. Salut. Et sur le site internet www.funradio.fr. On en est où là, bordel? Alors qu'il y a Valérie qui est sur le site internet. Donc je vous préviens. Attends, GG. Attends, tu permets que je termine. Termine. Alors je préviens d'une chose, que toutes les questions qui ont rapport aux ex ne seront pas dites à l'antenne. Claire, net et précis. Vous avez bien écouté. Et vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Alors, sur le site internet. Aïe, problème. On en est à 5250. Eh, c'est pas mal, t'as pris 1000 auditeurs. Et il y a Linda qui t'embrasse encore très très fort et qui t'encourage et qui te fait de gros bisous. Elle t'aime. Gérard, au standard, on accueille Sodom Hussein. Bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Ouais, je suis Sodom. J'appelle de Bagdad Café. Bon alors, Sodom, est-ce que tu peux répondre à la question de Gérard, qui est qu'est-ce qu'un dictateur ? Je t'écoute. Non mais je sens que ce soir, vous avez envie de me casser les couilles et que vous n'avez pas envie de faire le débat. Non, de se casser la couille. Non, les couilles, il en a deux, c'est les jambes, il en a une. Et vous vous êtes trompé, les gars. Je rétablis la vérité, Gérard. Hein. Les couilles, t'en as deux, les jambes, t'en as qu'une. Allez, on y va. Allez. Donc, tu réponds. Sodom, à toi de répondre. Ah, Sodom Hussein, là, tu réponds. Alors, pour répondre à la question sur les dictateurs, je dirais que... On se calme dans les auditeurs. Dans l'histoire des dictateurs, on a bien vu que les dictateurs qui prenaient le pouvoir contre le peuple finissaient très très mal. Donc, moi, je suis pour la démocratie totale, quoi. Que les gens puissent s'exprimer où que ce soit. Et quel est le rapport avec les dictateurs ? Ben, les dictateurs, justement, ils ont laissé une trace dans l'histoire du fait que, justement, ils ont oppressé le peuple de tout temps. Et donc, c'est pas la bonne méthode. Je sais pas ce que t'en penses, Gégé, mais c'est pas la bonne méthode pour moi. D'accord. François ? Écoute, moi, je dirais qu'un dictateur, c'est quelqu'un de très intelligent. Non, mais réveille-toi et puis parle un petit peu plus fort devant ton micro. Bah ben, écoute, je vais parler comme ça, plus fort. Tu m'entends bien, là ? Très bien. Ouais, là, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, ok, d'accord. Donc je disais qu'un dictateur, comme Jean-Roger le précisait tout à l'heure, c'est quelqu'un de très intelligent. Et que c'est quelqu'un qui a les pouvoirs absolus, genre. Et ça, je crois que tout le monde l'a compris. Bah Superman était un dictateur, alors. Ah non, c'était Lex Luthor, le dictateur. Ah oui. Et toi, Gérard, t'en penses quoi ? Mais attendez, parce qu'on est en train de me régler mon micro, parce qu'on croit que c'est moi qui fais du Larsen. Mais si, mais c'est pas non, en non, croix, non, c'est non, si je te promets. Il y a quelque chose. Mais non, mais attends, Mais non, la semaine dernière, le micro... Ça marchait pas non plus. Si. Tu faisais les mêmes... Voilà, on va le descendre un peu comme ça. Voilà, n'y touche pas. Non mais c'est tout. Non mais c'est tout. Mais non mais même là. C'est pareil. C'est toutes tes plaques en fer aussi, tu vois. On y va, Gérard, vas-y. Comment il fait pour prendre l'avion ? Et ta sœur, comment qu'après pour enculer un âne ? dans son variable de travail. Il va dans son panneau. Bon, les auditeurs, un peu de sérieux quand même. Il n'était pas en bleu de travail. Allez, on y va. Donc, Jean-Roger. Oui. Il a déjà répondu. J'ai répondu à la question. Hein. Trois fois, je crois. Gérard, c'est à toi, ouais, maintenant. Mais si tu veux, je peux recommencer. C'est quoi ta réponse, GG, sur cette question? Alors, qu'est-ce qu'un dictateur? Pour moi, un dictateur, c'est une personne qui fait partie du gouvernement. Que t'es au gouvernement, une personne. Comment? Non mais comme tu mets toujours, vas-y, regarde, Gérard, comme tu t'approches comme ça, tu dis comment et que t'approches toujours ton micro, ton casque près du micro, ça l'arsène, reste droit. Voilà. Non mais ce qu'il y a, c'est les dictateurs en fin de compte, c'est une personne qui fait partie du gouvernement, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Non mais même de toute manière, ce soir, je pense qu'à mon avis. Le débat, mais si, c'est non, non, mais il va être mal, il va être mal. Non, mais Gérard, quitte à maltraiter le peuple, parce que je sais pas si tu vois l'exemple en Roumanie, il y a eu Ceaușescu. Je veux pas parler des mecs politiques. Mais comment on devient dictateur? Mais la dictature, c'est un politique, Gérard. Oui, c'est un mec politique. Oui, Ceaușescu, il a tellement opprimé le peuple que maintenant, il est obligé de venir à Paris pour taper des parcs-mètres. Donc, attends. Ou faire le trottoir, encore. Non, mais là, il faut arrêter, là, un peu vos conneries, hein. Non mais Gérard, nous on t'écoute, on attend les questions quoi. Non mais là faut arrêter de dire le mec qui s'amuse à rôter comme un porc, il faut mieux de se calmer. C'est dégueulasse. D'accord. Parce que je sens que on va faire qu'une heure de débat. Hein. Oh non. C'est pas grave pour enchaîner, t'es peut-être un petit sondage. Ouais, un sondage. Hein, ce serait bien pour reprendre dans le calme un petit sondage. C'est clair. Alors un sondage. Alors connaissez-vous personnellement beaucoup de dictateurs? Alors 70% des gens disent non, que non. Bah c'est vrai, moi j'en connais pas. Tu vois, par exemple, hein, on n'en connaît pas. Moi j'en connais pas. 26% des gens disent qu'ils n'aiment pas l'orthographe. Voilà, je vois pas du tout le rapport, mais bon, c'est pas grave. 12% des gens pensent en connaissent un sans dent. Conjugue les verbes, c'est bien. Mais ta sœur, fais gaffe toi parce que je t'ai reconnu. Oh, c'est chaud. Hey, je te préviens, Jean-Roger. Oui, Gérard, tu disais, donc les sondages, j'ai pas tout compris. C'est quoi là? Allez. Hop, mais moi, Jean-Roger. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Non. Il faut pas prendre les gens pour des cons, ni pour les gens pour des canards sauvages. Je prends pas pour des cons, mais... Non, mais tu m'y laisses. D'accord, alors tu vas te faire enculer. Pardon? Tu vas te faire enculer, je te dis au revoir. Il a harcelé avec son fils. Et François, c'est pareil. Je ne suis pas très content parce que... Allez vous faire foutre. Si tes parents entendaient ça, ils ne seraient pas très contents. Alors, mes parents t'emmerdent. Ok, dégage. Ça, François. Ce coup-là, dégage. C'était Jean-Roger. Jean-Roger, je l'ai enverré en Jean-Roger. Jean-Roger est parti. Enchaîne sur un deuxième sondage, peut-être. Alors, Gérard, peut-être j'ai quelqu'un d'autre. Vas-y. Oh, c'est chaud. Bon, allez hop. Non. Là, je crois que ce soit. GG. GG. Tu veux une question internet? Là, on en est à 6152. Oh là là. Putain, ça fait que monter, hein. Bravo, hein. Ouais, bravo, bien joué. Est-ce qu'un dictateur est élu par les citoyens? Ben justement, c'est la question qui viendra après. Alors bravo, pardon, Valérie. Ça y est, c'est ma fête. Mais bon, arrête de dire des conneries. De toute manière, elle est pour rien parce qu'elle m'a aidé quand même pour faire les débats. Merci, Gégé. 12% pensent des gens qui ne connaissent un sans dent. Donc, j'ai répondu tout à l'heure, il y en a un qui a dit « Ouais, mais je sais pas quoi ». Donc, j'ai poussé une gueulante. Bon, donc, l'autre question. Peut-être pour remettre un petit peu le débat, quelqu'un qui te connaît bien et qui saura comment te caresser dans le bon sens du poil. Enfin, moi, je pensais que ça pourrait faire l'affaire. Il y a Monsieur Mazur, je sais pas. Bonsoir, Monsieur Mazur. Allô, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. Plaisir. Tout à fait. Monsieur Gérard, comment allez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je vous ai pas demandé de venir. Oh, bah écoutez, Monsieur Gérard, je n'étais pas présent au précédent débat, vous l'avez remarqué. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ouais, mais là, il m'a calmé un peu l'affaire. Certaines occupations avec des filles de joie, mais c'est tout à fait... Écoutez, en tout cas, je tiens à vous féliciter pour avoir choisi ce sujet passionnant sur les dictateurs et dont vous maîtrisez les moindres méandres. Félicitations, Monsieur Gérard. Alors si c'est pour dire ça, je vais vous dire au revoir, comme ça vous allez me foutre la paix pour de bon. Des trucs sympas, et t'as dit que tu fais du bon boulot. Il n'y a pas d'insulte, hein. Écoutez, je vous félicite pour votre travail, je ne vois pas où est l'insulte. Bah c'est travail peut-être, c'est le mot travail. C'est ça l'insulte, hein. Alors on y va. Alors, là... Qu'est-ce que veut dire... Manu, je te préviens. Mais t'es fou, j'ai rien fait depuis le début. Non, mais de toute manière, je vais te dire une chose. C'est même pas la peine que tu me dises que t'as rien fait. Je sais que c'est toi qui balance n'importe quoi. Tu vois, tu pues du cul, je viens de l'entendre, ça vient de chez vous. Alors moi, je vais vous dire une chose. Que c'est simple. Encore un mot comme ça, j'arrête. Mais pourquoi tu... Il reste 1h10. Je veux pas le savoir. C'est 1h10, c'est rien, ça va comme dans du beurre. Il allez. Pue de l'anus. Ça fait 40. Ouais, c'est pas moi. Qui fait ça? Attends, je les chope. Putain, ça c'est le standard, hein. Ça merdouille au standard. Hein. Ça fait 47 minutes et 53 secondes qu'on est sur la même question quand même. Hein. Oui, mais elle est bien. Moi, je l'aime bien cette question. Ouais, accélère, Gérard. Gérard, s'il te plaît. Oh là là, la petite salope. Allez, GG, allez, GG. Qui c'est le meilleur, évidemment, c'est GG. Il a un anus de fou, il a l'air de fétide. Vas-y, GG, vas-y, balance ta question. On est derrière toi, GG. Et quand t'auras fini tes conneries, allez. Tu me feras signe, d'accord? Je crois qu'il t'a fait un bras d'honneur là. Wow, j'avais pas vu. GG, il y a des petites dans le couloir, elles sont comme des folles. Hein. Je m'en fous. On t'apporte à bouffer, mon cochon. C'est faux, Gérard. Allez, on y va, les questions. C'est parti là. On a fait quoi là, depuis le début? Ah bah une. Ça fait le bordel là. À quoi peut servir un dictateur? On va demander à Maria. Ah, moi je sais. À quoi peut servir un dictateur? Oui. Mais moi, je voudrais bien avoir des questions internet un petit peu qu'avant de parler aux auditeurs. Oh, bah super. Super, c'est gentil, toi. Tu nous appelles et ensuite. Non, mais attendez, mais vous allez répondre, mais pour l'instant, je vais un peu sur le site internet. C'est normal. Ah, oui, oh, non, mais oh, c'est qui commande ici? Il a dit bateau. Le dictateur. C'est le dictateur, alors fermez vos gueules. Très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le net? Valérie, s'il te plaît. Bah, il y a une question, mais je n'ose pas, GG. Ouais, vas-y, ose. Hein? Non, mais vas-y, dis si c'est une question. Ouais, non, mais c'est pas moi. Non, non, mais vas-y, de manière. Peut-on devenir dictateur quand on a travaillé dans le yaourt? Bon, laisse tomber, on en parle. Ouais, je mais bon, pas. Je t'ai dit. Non, mais même. Je ne pose pas cette question. Ouais, ouais, non, mais de manière, c'est simple, je réponds pas du tout, ça va plus vite. Après? Excuse-moi, j'ai une question qu'il veut pas qu'on pose. Que l'acajou permet-il au dictateur de percer dans le métier? Non, bah non, tu de vois, c'est pas possible. L'acajou, ouais. C'est quoi ça? Bah, c'est du bois. Ta jambe gauche. Ta jambe de bois. Ouais, c'est pas du bois, c'est du fer, d'accord, on en parle du pas. Du fer, d'accord. Ok. C'est Terminator, hein, c'est pas. Ta gueule! Pas. D'autres, un dictateur peut-il conduire un poids lourd sans permis? Non, bon, ça, en principe, non. Tout ça, on peut pas. GG, c'est le dictateur de Nanterre. Je sais pas, moi. Tu vois, je peux pas toutes les dire. Tu vois. Sinon, les deux autres. Il y a toujours Linda qui te fait de gros bisous. Non, mais je voudrais bien qu'elle me pose un peu de questions. Et l'autre, la pine, elle vient, elle est encore là. Hein, mais là, attends, elle va poser une question. En tout cas, elle pense très fort à toi. Hein. Bon, bah alors, tant qu'il y en a une qui pense à moi, c'est déjà pas mal. Gérard, je voulais savoir. Oui. C'est Saddam Hussein. Pour toi, quel est le meilleur système politique? Est-ce que c'est la démocratie ou la dictature? Pour moi, aucun des deux. Ah bon? T'es quoi? Pourquoi? Non, parce que je vais te dire une chose. Explique, Gérard, c'est intéressant. Pourquoi? Non, mais moi, je vais te dire aucun des deux. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, que de toute manière, c'est pas parce que on fait un débat là-dessus. De toute manière, que tu sois de gauche ou de droite, de toute manière, t'es cocu et tu t'en chieras. Et c'est pas pour ça que tu as gagné plus. C'est un nanar, toi. Le roi est mort. Ah, Gérard, t'es un nanar. Mais même, c'est pas en disant ouais on a gagné tout, on a rien gagné. C'est pour un cent, tout augmente et on en prend plein la gueule. Pour pas un sou. Mais la question était intéressante. Est-ce que tu es plus pour la démocratie ou plus faire un côté, on va dire un gouvernement complètement totalitaire? Moi, je suis contre en rien du tout. Communiste? Non, pas du tout. Alors moi, je vais te dire une chose. Celui qui vient de me dire que j'étais coco, je vais te dire une chose, que j'ai voté pour personne. Je n'ai rien à foutre. De manière, moi, je vais vous dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, ce qu'on a voté, on l'a. Ouais. Hein, c'est que les gens qui ont voté, on a ce qu'on a. On a les augmentations, on en prend plein la gueule. Plus on demande des augmentations, plus on en a, c'est bien fait pour notre gueule. De toute manière, faut vous dire une chose, que là, Là, vous avez eu l'augmentation de, il y a eu l'augmentation d'essence pour ceux qui partaient en vacances. Il y a eu l'augmentation des transports et tout ça. Ouais. Mais c'est pas fini. C'est un système minable, on est imposable. L'augmentation des cigarettes et tout ça. Il y en a pas. Mais oui, mais est-ce ça, que c'est pas de la dictature. Ouais. On est même la beuh, elle a pris 5 euros. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est de la dictature en France? Personnellement, oui. Parce que moi, je vais te dire une chose. On en chie et c'est tout. On l'a choisi. De manière, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre parce que j'ai voté contre personne. Et moi, je m'en fous. Je suis tout le monde. Ouais, Gérard, vas-y, on fait une manif. Ouais, tu suis tout le monde. T'es un sale opportuniste. Ouais. Mais même, moi, je viens pour rien, c'est tout. Voilà, allez, on demande entendeur, salut. À quoi ça sert un dictateur? À jeudi prochain, alors. Gérard, elle n'est pas éligible. Ah non, c'est le 24, le prochain. Hey Gérard, tu veux pas organiser une petite manif improvisée là? Allez, on se rejoint plus. Le débat, à quoi sert un dictateur? Elle sert la dictée pour les petits. Ah, voilà. Voilà la question. Voilà la réponse que j'attendais. Gégé, tu connais le bar des amis à Suresnes? Allez hop, on reprend le débat. Non, mais on met un disque. Oui, reprenez le débat. Non, mais on le dégage, lui. Comment on dégage, dégage-le. Terminé, tu me vires tout le monde, on met un disque. Ah, pas tout le monde. Tu me vires tout le monde, c'est tout, ça recommence. Je veux bien mettre un disque. On va mettre un disque. Gégé, il y a la Pine qui te pose une question sur internet. Es-tu sympathisant du parti démocrate ou trou de balle? Excuse-moi, trou de kyste. Non, bah elle. Excuse-moi, mais c'est Lapine, hein. Lapine, ta question, elle a ni queue ni tête. C'est comme toi, le lapin qui a ni queue. Mais elle t'aime quand même. Hein. Voilà. Donc, on va s'écouter. Un petit sondage avant, comme ça, tu vois, petit sondage, type de disque, et hop, on reprend dans le calme après. Alors, le sondage, de quel pays, Vincent, viennent. De quel pays viennent les dictateurs? Alors, 23% pensent qu'ils viennent de la dictatorie, juste à côté de l'île trop de conneries, ouais, d'accord, ok. 45% pensent que oui. Bon, alors, je vois pas du tout le rapport là-dessus, bon, bref. Et 0,5% des gens disent qu'ils viennent s'ils veulent, mais pas en basket. Et voilà, et on va s'écouter. Donc, les démocrates dans mon slip, c'est l'anarchie. On se retrouve tout de suite après au 0825-08-5000, www.funradio.fr, et tout de suite après, suite et fin du débat. Hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et pendant 2 heures, c'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, on venait de s'écouter les démocrates de mon slip, c'est l'anarchie. Donc, il y a du monde qui s'installe derrière moi, mais c'est pas grave. Non, t'es donc, bien. Sur le site internet, Valérie, on est combien? On en est à 7162. Oh, le feu! Oh, comment t'as déchiré? 7162, ouais. Hein. Y a qui... Ah, c'est pas mal. Ouais, il y a encore des questions, mais bon, c'est... Non, mais si c'est des questions... Pour voir. Hein? Y a-t-il des dictateurs sous le pont de l'Alma? Ouais, mais bon. Non, c'est bon, j'en veux pas. Ouais, non, mais réponds au moins, Gérard. Non, mais de manière des questions comme ça, j'en veux pas. Les auditeurs, ils s'interrogent, ils aimeraient bien avoir une réponse. Il y a Lapine qui demande, est-ce qu'un dictateur peut être royaliste? C'est une bonne question. Oui. Ça, c'est sérieux, tu vois. Oui. Pourquoi pas? Bon. Mais il développe un peu pourquoi. Non, mais si plutôt dans le sens commun ou. Non, mais si un dictateur veut devenir roi, il peut le, hein. Il peut. Ah, mais... Il a le droit. Moi, je suis pas dictateur et je suis devenu animateur des débats et qui fout le bordel tous les jeudis. Voilà. Il faut que tu arrêtes de gueuler, par contre, là. Fais un bon truc, là. Il est 1 heure, là. Vas-y, lâche l'affaire. Hein. Bon, qui c'est qui me fait une liste propre? Parce que là, c'est une liste de cochons. Ouais, je te la fais, genre. Bah, j'espère. Ouais, je travaille. Les milliardaires sont-ils tous des dictateurs? Je sais même pas qui c'est qu'on a maintenant sur l'antenne. Pour le moment, c'est les mêmes, hein. On attend d'autres personnes. Maria. Gérard. Eh ben, les millionnaires. Je vais pas te le redire 50 fois. Ça fait 2 fois que je te demande de baisser ton micro, de baisser ta radio, de l'éteindre complètement. Ou sinon, je vais te dire au revoir. Gérard, elle est éteinte, ma radio. Ou sinon, t'es avec un téléphone sans fil. Ah oui, voilà, mais c'est pas téléphone portable. Mais Gérard, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un fil à son téléphone. Il faut respecter les pauvres aussi. Non, mais il me semble que j'avais dit lors des débats, je voulais pas des téléphones portables. Il est pas portable, mon téléphone, il est sans fil, c'est tout. Ouais, mais c'est pareil parce que le son, il est quasiment pourri. Quasiment. Ouais, mais Gérard, moi, je suis vraiment contente de participer à la... Ouais, je croyais que t'allais dire de bosser avec moi. Oui, bah non, je bosse avec toi, donc... Ah bah heureusement. T'as de la chance, ouais, hein. Tu m'étonnes. Mon Dieu. Enfin, bon, les millionnaires sont-ils des dictateurs? Milliardaires. Les milliardaires pour les millionnaires. Je comprends pas la question, Gégé, ou quoi, là? Non, mais je crois qu'elle a dû trop tirer vrai, son c'est coup. C'est inadmissible. Ouais, moi, Gérard, allô, c'est Gégé. Saddam Hussein. Tu la laisses parler? Ah bien. Okay. Priorité aux femmes. Priorité. Pour une fois que je suis galant. Oui, tu m'étonnes. Enfin, donc, à mon avis, oui, ils sont un peu dictateurs dans leur sens parce qu'ils sont riches. Et que quand t'es riche, t'as plus de facilité à... Ouais, à te le foutre dans le cul. Voilà. Merci. François? Oui? Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est quoi, là? C'est quoi, ce bordel? Non, mais c'est pour te dire... Ouais, je pense parce que... Laurent, s'il te plaît. Non, mais si tu veux, moi je peux allumer mon portable et je demande qu'on m'appelle. Hein. Non, mais l'avantage c'est que personne t'appelle, donc. C'est... Ouais. Non, c'est ça le problème. Mais Gérard, t'as qu'à nous donner ton numéro. Ouais, non, mais t'es quoi encore? Allez, Gérard. Allez, moi je veux un rendez-vous, Gérard. Non. Moi je peux répondre à la question si tu veux, Gérard. C'est qui? C'est François. Bah vas-y. Bah écoute, je dirais que non. Moi je connais des personnes milliardaires qui ne sont pas du tout dictateurs. Bien au contraire, je connais des gens qui ont moins d'argent, qui vivent dans des hôpitaux, qui vendent des yaourts et qui sont bien plus dictateurs que... François. Oui. François. C'est bizarre, il y a une personne. Personne, hein. J'ai l'impression que vous êtes vexé, Gérard. Non, moi par contre, j'avais entendu que beaucoup de dictateurs jouent au golf. Ah oui, oui. Mais ah oui, c'est... Oui, non, genre, tu les appelles, ils sont sur le putting green. Tu vois, des... Gérard, je vais répondre, c'est Sodom. J'ai entendu parler de dictateurs qui... Gérard, je peux répondre, c'est Sodome, je vais lui faire un pet dans son cul. Voilà. Donc moi, pour répondre à ta question sur les milliardaires, je dirais que... Non mais tu peux prendre ta voix normale au lieu de prendre Saddam Hussein et puis tu me diras que t'es Tony, d'accord? Ouais, on t'a reconnu, là, allez. Ok. Alors Laurent, s'il te plaît. Oh Laurent, t'as chier. Oui, je t'écoute. Tu me dis Saddam Hussein qui se fait passer pour Tony. Ah bon? Ou peut-être le contraire? Non, mais tu vois, tu me vires François qui se fait passer pour Goldo. Oh non, c'est pas vrai. Et toi, Maria? Je me serais pas fait avoir. Maria, tu m'excuseras, mais je te vire parce que tu te fais passer pour Emma. Au revoir. C'est pas moi, Goldo, c'est faux. Allez! Et qu'est-ce qu'on prend à la place alors, Gérard? GG, Internet. Oh là. Qu'est-ce qui a changé? Passe-moi à Maria en antenne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Passe-moi non, mais pas en antenne, Gérard, à l'antenne. À l'antenne. Maria. Oui, Gérard. Et l'enculé. Non, j'ai pas dit l'enculé. Si, t'as dit. Non, j'ai dit le PD, je suis désolé. Ouais, bah, moi, je vais te dire une chose, c'est une grosse salope, alors, oh, dégage. Alors, au revoir. Maria, Saddam et François, bonne nuit. C'est quoi le concept de ton débat ce soir? C'est où on s'insulte tous, on se fait caca dans la bouche? Voilà, allez hop, tu me dégages. Maria, Saddam et François, terminé. Je veux pas des habituels. Bonsoir, Gérard. C'est qui? C'est Monsieur Mathieu et Monsieur Mazur, bonsoir. Allô, Gérard, je viens d'arriver, c'est Paul Pute. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Bon. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, monsieur Mathieu. Allez, Gérard, pose la question. Bonsoir, Gérard. C'est Mollah Omar Sharif à l'appareil. Gérard, j'ai une question. Alors là, c'est simple, clair, net et précis. Le débat est clos. Stop. J'appelle de l'hippodrome de Saint-Cloud. Non, mais Gérard. Non, c'est pas vrai. Max, s'il te plaît. Mais arrête d'appeler Max, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Le débat, il est clos. Non, à la place de. Non, là, tu reviens. Tu me vires tout le monde. À la place de Maria Pinochet, on accueille Che Guevaris. Attends. Je vais te dire une chose. Que là, c'est même pas la peine que je continue avec la même liste, parce que tu vas me prendre les mêmes auditeurs sous d'autres noms. C'est moi qui les prends. Non, c'est parce qu'il y a Emma, il y a Tony. C'est qui Emma? Ouais, celle des habitués. Non, c'est pas si, vrai. Si. Je te promets que non, Gérard. Si. Non, mais ne me dis pas qu'il y a que des habitués, là. Si. C'est vrai. Non, c'est a, qui? Il a soi-disant reconnu Goldo alors qu'il est même pas là. Si. Et soi-disant Tony qui était pas là non plus. Si. Tony s'est passé pour François. Ah, il est dans l'humanitaire, Goldo, maintenant. Non, j'en ai rien à foutre. Donc, qui c'est que tu gardes, là? Monsieur Mazur, au moins, il a rien. Pour l'instant, il y a que lui. Bon, monsieur Mazur. Absolument. moi aussi, Gérard. Oui, il y a Mathieu. C'est Mathieu, non? C'est Mathieu, bonsoir. Mathieu Gérard. Bonsoir. Mathieu a rien fait, Gérard. Ouais, j'ai rien fait. Il y a moi, Mathieu, ils sont d'où, lui? Bah, il l'a rappelé, mais tu gueulais, alors t'as pas vu. Ouais, sois cool. C'est Mathieu, bien, tu hein, permets, il y a une question internet avant. Ok, pas de problème. Est-ce que c'est Linda qui te demande, est-ce que les dictateurs sont acceptés dans la jet set et pourquoi? Oh, la question, elle est compliquée ah pour ouais, moi. Ah ouais, ouais bon, c'est chaud. Je suis désolée. Elles le sont toutes, hein, donc. Alors, est-ce que les dictateurs sont acceptés dans la jet set et pourquoi? Il y a beaucoup de mots, là. Attention. Et au standard, vous appelez au 0825-08-5000, s'il vous plaît, merci. Bonsoir, je suis nouveau. Donc, je vais répondre à la question de Linda, parce que sinon, je vais me faire tuer tout à l'heure. Oui. Allez, hop, oui. Oui, pourquoi? Allez, non, mais Gérard, attends, là, c'est de la merde. Là. Ouais, non, là, tu vois. Pourquoi? J'en sais rien. Bah ouais, tiens, on s'en voilà, hop, terminé. Ouais, c'est nul, hein, Gérard, ce que t'as dit. Ta gueule. Bonsoir, je suis un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Luchi, Luchi, voilà, c'est Luchi, Gérard. Che Guevaris de Tijuana. Luchi Vari? Che Guevaris. Révolutionnaire en herbe. Ouais. Bonsoir. Je crois que j'ai un t-shirt avec ta tête. C'est possible, ça. Avec de l'herbe aussi. On continue le débat, oui, s'il vous plaît. Voilà, un petit peu plus de sérieux. Non, mais je t'écoute, hein. Ah bah, est-ce que tu pourrais avoir l'amabilité de répéter la question, s'il te plaît? C'est vrai, parce qu'on s'est égaré avec l'internet et tout. Bizarre, là, ouais, les milliardaires sont-ils tous des dictateurs? Je sais pas, mais les dictateurs doivent être tous milliardaires. Moi, je dis oui. Je pense que, ouais, ça marche dans l'autre sens, en fait. La question, elle est posée à l'envers, quoi. Mais, monsieur Gérard, permettez une question. Évoquez-vous, justement, cette question dans le sens du diktat de l'argent ou bien l'inverse? Les deux. Est-ce que vous pourriez développer un peu, s'il vous plaît? Bah, les dictateurs, c'est ceux qui ont besoin d'argent. Oui. Et puis les milliardaires, bon, c'est ceux qu'on montre trop. Ouais, mais Gégé, est-ce que tu as déjà entendu parler de la dictature du prolétariat, par exemple? Non. Les prolétaires, ils n'ont pas d'argent. Oui, excellente question, justement. Est-ce que la dictature du prolétariat peut-elle se faire écraser, n'est-ce pas, par le diktat de l'argent, monsieur Gérard? Ah. Bah, à mon avis, oui. Oui, hein. Et dans quel sens? Dans quel sens? Alors là, si la personne a trop d'argent, bon, elle peut en donner à d'autres personnes. Ouais. Ça, c'est de l'humanitaire, ça. Voilà, oui, mais même si c'est pas... Si ma question est mal tournée. Non, elle est bien, oh là là. Donc voilà, monsieur Mazur. Oui, très bien, écoutez, c'est une très bonne réponse. Bah, oui. Mathieu? Écoute, Gérard, je pense que tous les milliardaires sont un peu dictateurs dans leur tête. Hein. Et parle un petit peu plus fort. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parle un petit peu plus fort. Je disais que les milliardaires ont beaucoup d'argent et à partir de ce moment-là, ils sont pleins d'amis et ils essayent de tous les. Ah non non non, alors là, je vais te dire une chose. Là, je crois que tu te trompes tout de suite. Là, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce qu'un milliardaire est dictateur qu'il va se faire beaucoup d'amis. Ouais, au contraire. Non non, mais attends, laisse-moi finir. Parce que là, je vais répondre tout de suite à la question avant que tu répondes. Che Guevaris. Je vais te répondre tout de suite. Il faut pas croire qu'un milliardaire a beaucoup d'argent qu'il va se faire beaucoup d'amis. Parce qu'au contraire, ses amis vont lui piquer son pognon et après il aura plus personne. Donc c'est pas des amis, voilà. Alors, Gégé. D'accord. Par exemple, si on prend Messier, par exemple. Ouais, ben c'est pareil. Il avait des amis. Ouais, mais ouais, lui il avait des amis, mais malheureusement, t'as vu où qu'il est? Il est où? Hein? Il est où? Maintenant il est dehors. Dehors où? Bah, il s'est fait jeter d'une chaîne crispée. Donc voilà. Gérard. Non mais ouais. Attends. Non mais c'est quand tu veux. Tu poses ta question. Voilà, c'est que le micro était pas branché. On accueille un peu plus le débat. Ceausescu souille. Ah, ça te plaît ou non mais. Non mais mais en audience là c'est je crois qu'au standard c'est le bordel, je débute, c'est un privilège pour moi d'être là, donc s'il te plaît quoi. Non mais attends, la semaine dernière il y a 15 jours le hein. Ah. Non, il t'attend tout de suite. Ah ouais, non, j'ai rien sur moi. C'est tes cheveux, ça. C'est des antennes, je te jure, non. T'as ton portable? Non, ben ouais, mais. Ah, c'est pas l'heure, je comprends c'est pas, les débats. Normalement, il est éteint. On fait ce débat là ou pas, on se l'attaque. Allô. Putain, on y va là. Première Allô. Question, 1h12. 1h15, on a fait 2 questions. Allô, ouais. Non, on en a fait 3. Oh, bah, 3. Record. Pour faire 10. Bon, ciao, Sexcouille qui est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Spécial Manu. Ah, bonsoir. C'est plaisir. Ça se dédie. Je t'embrasse, ciao, Sexcouille. Je veux bien un bisou. Et à tout le monde aussi. Non, t'as entendu la question? Non, j'étais en grande conversation avec Laurent. Non, mais dans ces cas-là, les questions... Bah, il m'explique comment ça se passe. Moi, les milliardaires sont-ils tous des dictateurs? Non, point pas final du tout. À la ligne. Pas du tout. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es un dictateur. Bah, voilà. Ouais. Bah, voilà, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, putain. Hugo. Ouais. Ah, bon, enfin, GG, c'est Che Guevaris, là, à l'antenne. Ouais. Tu disais tout à l'heure, ouais, quand on a de l'argent, les amis, tout ça, mais enfin, t'es quand même d'accord parce que tu te plains tout le temps, t'as pas d'argent, donc t'as pas d'amis. Ouais, et puis. Donc ça marche dans l'autre sens, en fait, quand t'as pas d'argent. Non, mais attends, parce que ce que tu veux dire là, je vois très bien où tu veux en venir. Ouais. C'est pas parce que je viens à la radio que je vais me plaindre tout le temps, d'accord? Clair, net. Non, mais attends, laisse-moi finir. En même temps, c'est possible, mais c'est pas ça que je disais, quoi. Tu l'as jamais fait, ça. C'est pas ton genre, tu manges pas ce pain-là. C'est pas ce qu'il a dit, Gérard. Tu veux que je te résume ce qu'il a dit? Il a dit quoi, ouais? Il a dit, en gros, que tu dis un dictateur, il n'a pas forcément de l'argent et donc ça n'apporte pas des amis. Hein? L'argent n'apporte pas des amis. Hein? Mais toi qui n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis non plus. Hein? Donc ça marche dans les deux sens. C'est cool. Ah oui? Ah oui, merci Manu. Sauf qu'un milliardaire, bon, monsieur des potes, il a qu'à se les payer. Talent. Si t'avais le choix, Gégé, entre avoir de l'argent ou des amis, tu choisirais quoi, toi? Moi, je préfère avoir de l'argent et avoir une nana pour moi, pour se la payer. Pour se la payer. Pour se la payer. Pour se la payer. Quand tu rentres après les débats. Pour l'argent. Voilà. Pour l'argent. Monsieur Gérard, pourrais-je poser une question, monsieur? Oui, monsieur Mazur. À votre avis, existe-t-il des dictatrices, monsieur Gérard? Je pense. Ouh. Et justement, pourriez-vous nous indiquer, je ne sais pas, des noms, des adresses, peut-être? Non, mais alors moi, je peux vous dire une chose. Une dictatrice, oui. C'est une personne, c'est pareil. On revient à ce que Mathieu disait. Donc ça sera pareil. Non, mais toi, c'était des dominatrices. Attends, c'est pas pareil. Ouais, mais même, ça sera pareil. Parce que la personne... Si c'est une dictatrice qui va rencontrer un mec, le mec profitera de la dictatrice. Donc ça reviendra au même que si un dictateur a de l'argent et pas de copains. Donc on en revient strictement au même, monsieur Mazur. Et Gérard rentre dans le débat. Gérard, excuse-moi, qu'est-ce qu'il en coûte pour les dictaphones? Non, mais ça a rien à... Attention. Bah si, ça n'a rien à voir. Je reviens, attention. Ça n'a rien à voir. Bon, allez. Un nigiaphone, ça peut être utile, un nigiaphone, là, quand même. Ouais, ta gueule. Il y en a qui utilisent des mégaphones. Au standard, on demande si c'est les dictées ont été inventées par les dictateurs. Bah, de toute manière, les questions comme ça, je m'en doutais. Alors, si on fait un débat sur les dictateurs, on n'est pas là pour rigoler, je savais très bien... Qu'au standard, on allait me sortir. Est-ce que le dictateur fait un rapport avec le mec qui fait les dictées? Oui. Donc c'est pareil. Oh, donc ça sert à rien. Non, mais t'as pas répondu. Et les Dick Rivers aussi. Ouais, les Dick Rivers et puis bref. Enfin bref, passons. Même quand les dictées, c'était pas ton truc, les dictées quand même. Non, parce que moi. Ouais. Il y a des dictateurs en discothèque, genre. Alors là, j'en sais rien. Les dictateurs doivent-ils ta gueule. À quoi est-ce qu'on les dictateurs, si oui, pourquoi? Valérie. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on les dictateurs ou pas? Eh con! Eh non, mais attends! Et Internet! Et GG, Internet, ça baisse là, il faut que tu reprennes le débat là. Il demande que tu reprennes le débat à fond. Et au standard, ça sonne pas. Hein. Ouais. Non, mais de toute manière, je pense qu'on va... Mais non, on va pas arrêter, on continue, c'est bien. Sur un téléphone. Attends. Mais non, mais... Ouais, mais attends. Ouais. Ah, mais non, mais... Non, mais attends. Un dictateur peut-il prendre le pouvoir par un coup d'État, demande Kiss Cool. Non, mais de toute manière, c'est une question... C'est la question que j'avais posée. Non. Un dictateur a-t-il le droit de faire de la politique? C'est pas ça. Non, allez, bah si, c'est la question que je pose. On fait une question, hein. On y va, là? Oui. Bah ça y est, la question, je viens de la poser. Ah bah, répondez, les auditeurs, là. Ah, c'était une bonne question, quand même. Mmh. Bah, moi, je répondrais oui, mais non. Monsieur Mazur. pardon. En tant que... Oui. Attendez, je voudrais bien savoir qui c'est qu'on a, là. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Alors, monsieur... Mazur. Attendez, oh! C'est moi qui parle. Ouais. Après, vous ouvrez vos gueules quand je vous dis bonsoir. Ok. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bonsoir. Mathieu. Oui, bonsoir, c'est Mathieu. Je sais pas quoi, là. Oui, bonsoir, c'est Che Guevaris. Et puis la nana, c'est qui? Ciao, sexe-couille. Voilà. Quoi? Ciao, sexe-couille. Ciao, sexe-couille. Mmh. Voilà, c'est... Ouais, couille, j'ai marqué. Oui, tu m'appelles ma couille, ça me fera plaisir. Ouais, et puis quoi encore? site internet un peu. Question là, très sérieux. Mais je veux savoir un peu. Ça remonte un tout petit peu, mais ils veulent vraiment que tu rentres dans le débat. C'est quoi le chiffre ? Oh, mais m'engueule pas, on en est à 6452. Oh, bon, de toute manière, tu vois, on a baissé depuis tout à l'heure. C'est pas mal, mais il faut mieux faire, hein, GG. Non, non, mais je crois que. Mais non, mais faut que tu te remettes dedans, allez. Mais de toute manière. De manière, moi, je vais te dire une chose ce soir. Le débat était mal préparé, puis de toute manière, l'équipe est mauvaise. Oh, c'est sympa pour l'équipe. Merci, GG. Ah bah, bravo. Pour toi, on t'aide et tout. Et voilà comment on est remercié. Merci. Non, mais même. Eh ouais. Tu parlais de moi parce que je débute, c'est ça ? Le truc est mal fait, c'est tout. Bah, il faut des essais, mais. Ouais, mais attends. Là, c'est pas bon. La semaine prochaine, on aura Esteban, tout ça. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. C'est le 24, je sais même pas ce que c'est le 24. Un dictateur a-t-il le droit de faire de la politique ? On va demander à mes couilles, là. Ma couille ? En fait, c'est son rôle. Il fait sa propre politique à lui, donc il n'y a pas beaucoup de discussions, mais c'est de la politique. Mmh. D'accord. Oh, mais punaise, ouais. Eh, vous avez des réponses, mais vraiment cons, hein. Ah bah écoute... C'est la réponse, hein. Bah ouais, tu fais avec, hein. Tu fais avec, c'est pas content, on fait avec. C'est ce qu'on peut, hein, franchement. Vous faites les moyens avec les moyens du bord et vous faites ouais d'accord. Ouais, si j'avais su, j'aurais fait un débat sur le 11 septembre. Je crois que ça aurait été deux fois plus. Je crois que ça aurait été mieux. Ouais. Oui, alors justement, je réponds, Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Oui, Monsieur Mazur. Oui, je voulais vous demander. Pensez-vous que Monsieur Bin Laden, n'est-ce pas, soit un dictateur ? À mon avis, oui. D'accord. Bah oui, parce que qui a programmé les... Fégas quand même. Ouais, c'est non, mais attends, mais moi j'en ai rien à foutre de toute manière. Non, mais c'est bon, on est le 12 septembre, aller. C'est passé. Mais même, question suivante. Faut dire une chose. Allez, hop. T'aventures pas trop quand même, hein. Non, mais c'est pour ça que je le détourne, regarde. Question suivante, allez hop, on y va. T'es pressé de rentrer chez toi, toi ? Non, mais cette question elle pue, hein, honnêtement. Donc, moi je vais y répondre. Franchement, te sens pas obligé. Si ? Non, je te jure. Si, la question. On met un disque alors, ou un petit sondage. Mais c'est pas la peine d'y répondre, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais on va t'abriter dans le studio, hop là, regarde. Hop là, allez, on enchaîne. Alors, sondage. Non, mais les quelques personnes qui sont au standard, voudraient que tu continues, Gérard, s'il te plaît. Alors, quel métier font les dictateurs, comme il y en a qui demandent des sondages. Alors, 34% qui interviennent des dictons, inventent des dictons, pardon. Ouais. 58% ont répondu à la question, mais je ne m'en souviens plus. Et les 12% ont tiré à te faire enculer. Bah, et pourquoi c'est la réponse ? Non, mais tu arrêtes faire enculer parce que je ne réponds pas. C'est quoi ? C'est quoi, dit ? À quoi peut-on reconnaître un dictateur physiquement ? Alors, 70% des gens pensent que cela dépend des dictateurs. Ouais. Je vois pas du tout le rapport. Bah, 6% pensent que ça peut être variable. Ouais, à la rigueur. 10% pensent que l'anticlinone des arsors, l'anticyclone. L'anticyclone des Açores nous apporte du soleil avec beaucoup de fraîcheur, surtout sur le nord et pas de Calais. Alors là, je vois pas du tout le rapport. Ouais. Bref, enfin, dernier sondage. Ouais. Alors, pourquoi les dictateurs sont-ils si méchants ? Alors, 23% des gens pensent répondre parce que en buvant de l'orangina rouge. Merci, Manu. Pour rien. 59% pensent des gens. N'en savent rien s'ils se branlent sur mes fesses. 36% répondent. 36% répondent. La réponse B, c'est leur dernier mot, Jean-Pierre. Alors moi, je vais te dire une chose, que des sondages comme ça. C'est de la merde. C'est de la merde. GG. J'en ai pris conscience. Je m'en bats les couilles. GG, Valérie te parle. Oui. Ça arrête pas de baisser sur internet, ils disent que tu prennes pas le débat assez au sérieux et qu'il faudrait que tu te remettes vraiment dedans là. Non mais de toute manière, voilà, parce qu'ils ont envie que tu répondes franchement bien, mais moi, je bien réponds aux questions, franchement aux questions, c'est tout. Non mais je te le dis, c'est tout, hein. Voilà. Mais moi je réponds franchement aux questions et c'est tout. Et de toute manière, on va pas tarder d'arrêter parce que je pense j'ai que j'ai une question internet là. Non mais on va j'ai une question internet GG. Tu crois où toi ? GG. Pas la RATP ici, hein. Bah si. attends. Est-ce qu'un dictateur est un parti politique ? Justement, question c'est la question. Linda. C'est toujours la question, merde. Mais même, c'est la question. Est-ce qu'un dictateur a-t-il le droit de faire de la politique ? A-t-il un parti politique précis ? Ben, pas forcément, non. D'accord. Et pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, parce que ça dépend s'il est droite ou de gauche. ou RP, RPR ou MRD ou des verts. Voilà. Et s'il est ambidextre. Okay. Voilà. Ouais, merdé. Tu partiras, espèce de connard, espèce d'enculé, va te faire foutre. Va te faire sucer jusqu'au glande, allez, t'en merde. Va te faire péter le cul par tout le monde. Connard, tête de gland. Va te pendre. C'est vieux. Connard. Va te pendre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous insulte, ça, monsieur Gérard. Ah, c'est vieux, ça. Ça, c'est un truc répondeur qui était pour moi à la trop vieux, ça. Va te faire péter l'anus. Non mais ça, je me souviens très bien de ce petit branleur. Et ça, c'était dédié à Max. Tout au début qu'on était à Neuilly. Tu te souviens le petit branleur? Ouais, mais ça me fait pas. Moi non plus, ça me fait pas rire. Ouais, nostalgie quand tu le tiens. On peut le dédicacer. Toi, ça te fait peut-être marrer. Toi, non, mais moi, ça me fait pas rire. Alors Manu, je vais te dire une chose. Non, c'est pas moi. Mais moi, je trouve ça rire. Alors là, c'est pas moi. Manu, je vais dire une chose. Que celui qui a été médecin, ta gueule, taisez-vous les auditeurs, vos gueules. Non, mais c'est vrai parce que. Vos gueules. Oh, je me prends un... Mais moi, personnellement, si tu prends une charge. J'ai envie de te moquer de moi, Gérard, ça te regarde? Non. Moi, je te respecte, je pensais que tu m'inspectais. Ta gueule, branleur. Non, alors là, je veux te dire une chose, c'est terminé. En de bon entendeur, salut. Terminé. Moi, tu me fais insulter, ça te fait rire? Non, terminé. Bon, alors, respecte. Moi, je veux te dire une chose, j'arrête de travailler comme ça. Le débat ce soir est naze. Genre, tu travailles. Le débat est naze. Ce soir, on se fout de notre gueule. On se fout de la gueule du chef, on se fout de ma gueule. Donc ce soir, terminé, il n'y a plus de débat. On va faire le débat. Si, si, on va refaire le débat. Bah, si. Tout le monde a envie de faire le débat. Si là, tu fais le débat, j'aurais l'impression que tu te fous aussi de ma gueule. Non, moi je me fous pas de ta gueule. Dans ces cas-là, on n'a pas à avoir des trucs comme ça sur l'antenne. Ça, c'est vrai. Les mecs. Ok. Attends, mais moi je vais les reprendre en antenne. Hein. T'es très mal, mon pote. Donc terminé, tu mets un disque. Un disque. Un disque. Allez. Démocrate des vives. Attends. Allez, un disque alors. Les goulashs en folie. Attends, calme-toi. Attends, parce que sur le net, on fait pas de points. Non, on fera le point après. Là, ils veulent vraiment du débat, donc on fait pas de points. Là, ça baisse, hein, GG. Hein. Eh ben, tant pis, on terminera. Le débat. Je sais pas si c'est bien de mettre un disque, hein, si ça baisse. Je vais pas le savoir, on va mettre un disque. On va essayer de calmer un peu tout le monde. Et toi, Manu, je veux te dire une chose, que tu as arrêté tes jingles de merde. Bah, j'ai pas balancé un son. Non, mais le branleur de 12 ans est sur moi de terminer maintenant, j'en veux plus. Mais je suis d'accord. C'est clair, net et précis. C'est tout le temps que je passe l'œil. Je suis d'accord, moi. C'est tout le temps, je n'en veux plus. D'accord. Clair, net et précis. Mais c'est pas moi. Mais je suis d'accord avec toi. Si je peux me permettre, Gérard. Permets-toi. Il y a les auditeurs qui sont en ligne là, qui aimeraient bien répondre à tes questions et on aimerait que tu sois un peu plus sérieux dans le débat. Non, maintenant, on va mettre un disque. Tout le monde va se calmer et terminer. Moi, je vais te dire une chose, que les jingles comme ça, avec ceux qui se foutent de ta gueule et ceux qui se foutent de ma gueule qui disent c'est dégueulasse. Et tout ça, non, terminé. Je suis d'accord. Okay. C'est dégueulasse. Non, ça se fait pas. Hein. Ça se fait alors, pas de se foutre. Il est 1h25. Vous avez 5 minutes pour vous calmer. Si en 5 minutes c'est pas fait, j'arrête. Et maintenant, on va s'écouter les goulasses en poli. Je t'enfonce ma pine au chez. Et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Non, mais. Attends, viens voir. Viens au standard, tu vas voir. Les auditeurs sont très bien là. Mais si, si, au standard. Viens nulle part. Non, mais viens nulle part. Tu restes là dans le studio. Ce soir, on n'a pas d'équipe. Attends, non, qu'est-ce que tu viens? Salut. Mais d'habitude, attends, Manu, à qui je vire là. Putain. Mais non, mais ça, c'est les mêmes. Mais non, ça, c'est pas les mêmes. Les mêmes. Bah, attends, mais... tu te fous de ma gueule, Jérémy, Lucien, Cyril. Bon, attends. C'est Ryan. C'est ça. Les mêmes, arrêtez. Bah arrêtez, mais c'est toi qui mis tout ou quoi dans l'histoire là? Non. Attends, mais t'es ouf ou quoi? Non, Thibaut, Sandy, Mathieu, regarde. Ouais, Sandy, pourquoi Sandy? Bah, y a pas qu'une Sandy sur Terre, putain. Y a pas que ta grosse. Alors, Mister Goulag, tout ça, ils veulent passer sur l'antenne, qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi le bordel du gamin de 12 ans? Mais c'est moi, c'est pour moi, bah ouais. Mais t'as bien fait. Eh ben, prends ma défense au moins. Bah alors, c'est ce que je paie. J'ai dit non, c'est tout. Bah ouais, mais reste avec. T'as bien fait, mais maintenant. Ils répondent correctement, les auditeurs qui sont en ligne. Ils répondent à tes questions, c'est toi qui le prends. C'est quoi ce bordel là? Mais non, y a pas de bordel. Il y en a eu un peu, certes. Mais non, Gérard, moi je te dis une chose. Gérard, si tu craques avant 2 heures, les auditeurs ils vont avoir l'impression d'avoir gagné. Ah ouais. Il faut que. Ouais, t'as pas cédé, tu vas pas craquer, t'as la pression. Mais il y a. Ah oui, ça, t'as la pression. Faut tenir. Mais non, ça fait 5 ans que tu fais des débats tous les jeudis. Si tu craques maintenant, mais les mecs ils attendent que ça. Il y a 2-3 dictateurs, mais attends, mais les mecs, on va les prendre à la baguette. T'inquiète pas, je les gère. Quand t'as vu l'équipe de choc là? T'as quoi comme. Il te reste combien de questions, Gérard? Combien de questions? J'ai rien dans les questions, j'en suis. suis pas le plus. Ah, tu crois que c'est le moment, Valérie? Franchement. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Combien de temps il reste sur le disque? Il reste pas longtemps, on y va, on y retourne. On y retourne là. On y retourne, GG. Allez, assieds-toi, mets ton casque. Allez, c'est reparti. Ouais, sérieux. Allez, GG, putain, merde. C'est toi le meilleur. Le casque. Ouais, on l'a déjà faite celle-là. C'est celle qu'on a faite là. C'est la question qu'on a faite. Allez, on y va, GG. C'est parti. Feu. Une, j'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va faire long secret. Putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio. Et déjà bonsoir, et ce jingle, il est interdit maintenant sur Fun, sur lors de mes débats. C'est quoi le jingle? Mais je savais pas moi. Écoutez, c'est quoi? Le putois de Nanterre. Terminé. Je savais pas qu'il fallait pas le mettre celui-là, GG. Terminé. Je le remettrai plus. Bah t'arrêtes parce que c'est simple. Je l'ai encore entendu, je l'entends encore une seule fois. C'est bien celui-là. Le putois de Nantais. Non mais voilà, c'était pour être sûr. Là je l'ai dégagé, c'est bon. Il est parti le jingle. Alors quel est le salaire d'un dictateur? Bonsoir, donc rebonsoir pour la suite et fin du débat. Bonsoir. Disons Gérard. Pour ce qui reste du débat parce qu'il est à moitié saccagé. Donc on va terminer, je pense, à même pas 6000 sur le net. Non mais ça va remonter là, on va se remettre dedans direct. Bah là ça remonte GG hein. Il faut te remettre dedans parce que là ça remonte bien là. Hein. Alors quel est le salaire d'un dictateur? Merci. Alors de rien. Texo. Aïe. Ah. Elle s'appelle Ciao Sexcouille. Ciao Sexcouille. Rebonsoir. Mathieu. Bonsoir. Eh les mecs, quand vous appelez au standard, oui. Ça vous dérange de donner les fréquences? Moi j'appelle de Paris, 100.9. C'est qui? C'est Mathieu. Merci. Ciao, Tsescouille. 112.3. Mazur, 101.9. Monsieur Mazur, 101.9, Paris, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Mazur. Comment t'écris Monsieur Mazur, toi? Je sais pas. Attendez, Monsieur Mazur, M-E-S-U-R-E. Oh, quel scandale, monsieur Gérard. Faites quelque chose, je vous en conjure. Je suis désolé, Gérard. Ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur Gérard. Je suis un Mazur, Zur, avec un Z. Ouais, voilà. Avec un Z en plus. Et bien entendu. Bien entendu. Non, mais je suis désolé, mais. Chisberg Varis. Che Guevaris. Che Guevaris, ouais, 118-8, Tijuanal. Tijuanal, 118-8. On y va là peut-être, non? Ouais, ce serait bien. Ouais, on peut y aller. Là. Quel est le salaire d'un dictateur? Ça, c'est facile, ça. Ouais, c'est infini. C'est infini. C'est lui qui détermine son propre salaire, donc il prend tout. Mmh. Il laisse crever son peuple et il prend tout. Bah ouais. C'est triste, en fait. Anxieux. Quand on y pense. Ouais, d'accord. Ouais, c'est le tché, là. Ouais, non mais là je crois que va falloir C'est pas agréable. Arrête de bouger ta tête, Gégé. Mais non, mais même si tu bouges trop ta tête. Non, mais même la semaine dernière, j'avais l'autre micro, il y avait pas de Larsen. Il y avait du Larsen, parce que tu bouges ta tête. Ferme ta gueule, t'étais pas à l'area. T'avais ton autre haleine la semaine dernière. Ta gueule toi. Attends, il a bu un café. Bah justement, il avait l'autre la semaine dernière. Non, manque de peau, il m'en refaut un café. Oh non. Ça va, t'es déjà assez excité comme ça, là. Non, mais même, il m'en refaut un. Monsieur Mazur. Écoutez, monsieur Gérard, je vous dirais que le salaire, d'abord, est-ce que nous parlons en euros ou en autre monnaie? En euros. Ah. Eh bien, n'est-ce pas, il y a un problème qui se pose si nous parlons en euros, car il n'y a pas beaucoup de dictateurs en Europe, vous le conviendrez. Ah, bon. Au Brésil. Ah, c'est pas faux ce qu'il dit, là. Mis à part au Brésil, bien entendu. Ouais, mais ça, au Brésil, c'est pas pareil. Ah, c'est chaud. Et pourquoi? C'est pas ce bordel. Monsieur, pourquoi n'est-ce pas pareil au Brésil, s'il vous plaît? Ça, c'est Manu qui c'est s'amuse avec. C'est pas moi, Gérard. C'est Manu, parce que non, je veux dire. Mais attends, ferme ta gueule, la semaine dernière, j'avais moins de la scène que ça. Regarde, Gégé, ton volume, il est à fond, là. Il faut que tu baisses un peu, c'est pour ça. Là, maintenant, il est à fond. Maintenant, si tu veux que je baisse, je vais gueuler. Non, mais on continue. Je te demande pas de gueuler, je te demande de baisser. Voilà. Non, attends, mais oh. Non, mais vas-y, non. Au standard, ça va. Mais moi, je réponds à la question des auditeurs. C'est pourquoi tu veux pas continuer ton débat et pourquoi tu le prends pas au sérieux, c'est tout. Non, mais alors, moi, je vais te dire une chose. Pourquoi que cette semaine, vous me faites un débat de merde? Bah, c'est toi qui fais le débat, GG. Hein? Nous, on est là pour. La semaine dernière, sur le premier débat de la saison qu'on a fait 12 000. Bah et ça s'est très bien passé. Là, t'étais là, ça s'est très bien passé. Non, j'avais Valérie. Non, mais je attends, tu permets, c'est moi qui commande. Non, mais je... c'est moi, non, c'est mais... moi qui parle. C'est moi le chef le jeudi. Non, mais je... Donc la semaine dernière, il y a 15 jours, non, je... le débat, il y avait toi, il y avait Valérie, il y avait, il y avait, il y avait Pedro à l'arrière. Ça c'est nickel. Non, mais... Ça a été nickel. Non, mais je... Cette semaine, non, mais... c'est du bordel. Non, mais d'accord. Oh, là, là. Enfin, tu reprends le contrôle. La semaine dernière, on a fait 12 000. Cette semaine, on est à combien? Même pas 7 000. Bah ouais. 7 850, là. Ah ouais. Ça monte, tu vois. Ouais. Il faut se remettre dedans, là. Allez, GG. Et à Cercy, la semaine dernière, j'avais pas loin de 11 000 déjà. Hein? On était à la, presque à la 7e, là, on avance pas. Pourquoi? Parce que vous me foutez le bordel au standard. Ah, t'arrêtes pas de m'engueuler. Mais de toute manière, t'es tout seul. Y a personne. Et moi, je vais demander une chose. C'est que maintenant, je vais demander à ce qu'une fille soit avec toi au standard. Non, mais je vais pas te concentrer, tu vois. Je vais pas le savoir, c'est moi qui vais la sélectionner. Bah viens en standard. Il me faut. T'as raison. Je lance l'appel. Il me faut une fille pour le jeudi soir. Qui suce. Une fille. Ouais, qui suce, hein, sinon je vais me faire chier, moi. Salope. Non mais, ouais. Merci Valérie de ta réponse. Dans ces cas-là, tu feras le standard. Bah, elle, tu peux ça. Pas tout faire, hein, mon vieux. Bah alors, tu feras le standard et on demandera à quelqu'un d'autre. Bon, attends, c'est pas toi qui commande, si c'est moi qui... Bah merde, je me casse alors, hein, si t'es mais pas attends, content. Hey, bon, c'est moi qui commande le joli. Oh, d'accord, ok. C'est bon. C'est tout, si okay, je veux quelqu'un d'autre sur le net, je prendrai quelqu'un d'autre. On continue. Parce que les questions sont sur le net sont à moitié naze. Peut-on devenir dictateur avec un kiss dans le cou? Voilà, tu vois, une question bah ouais, merde. Bah ouais, c'est une comme question ça. Merde à mais pas ça, poser. C'est ça, c'est parce qu'on n'est pas dans le débat. Parce qu'une question merde à pas poser. Bah, excusez-moi, monsieur le patron, si je puis me permettre de vous importuner, pouvons-nous reprendre le cours de notre débat? Donc, ouais. Monsieur Mazur. Oui, je vais vous poser la question, monsieur Gérard, à savoir l'euro. Connaissez-vous beaucoup de dictateurs d'Europe, à part au Brésil, bien entendu? Non. Alors, comment faire? Bah justement, c'est là que je me pose la question. Quel est le salaire d'un dictateur? Ça, j'en sais rien. Oui, moi. Mais définissons d'abord la monnaie, n'est-ce pas? Est-il payé en dollars, en copecs? Là-bas, au Brésil, je pense que ça doit être toujours en euros. Non, c'est le dollar brésilien là-bas. C'est des roubles. Ouais, mais je sais pas, parce que faudrait, j'ai pas tous les... Oui, je comprends bien, monsieur Gérard, mais le problème se pose. Nous ne savons pas s'il s'agit d'euros, de dollars ou de roubles. Ouais, mais c'est là le problème, donc je peux pas vous répondre, monsieur Mazur. Est-ce que, à ce moment-là, nous pourrions conclure qu'il n'existe pas de dictature au Brésil? Bah, si, pourtant, il y en a, oui, hein. C'est sûr, quand même, hein. Il y en a là-bas. Hein. Ah, il y en a souvent, voulez-vous dire tous les jours de l'année, ou bien, Bah, avec les pygmées. Mais non, mais même il y en a régulièrement. Hein. Mais sous quelle forme? Non, non, mais c'est bon, monsieur Mazur, on va pas s'éterniser là-dessus. Mathieu. Justement, puisque vous voulez insister. Mais on va pas s'éterniser là-dessus, monsieur Mazur. L'influence, n'est-ce pas, de la bossa nova. Monsieur Mazur, j'ai dit qu'on s'éternise pas là-dessus. Car c'est une vraie question que nous nous posons. Merde. Par le monde, que ce soit aux quatre coins du Japon ou bien entendu aux trois points de la Pologne, monsieur Gérard, êtes-vous là? On va mettre le jingle. Monsieur Mazur! Oui, alors justement, vous êtes revenu. Profitons-en pour approfondir un peu le débat, si vous le voulez bien. Oh. Elle met pas de poil à ta table! Voilà, t'as pas le jingle de Laserland, là? On va le calmer tout de suite, là, le Mazur. Non, s'il vous plaît, un peu plus de sérieux. Bonjour, Mathieu! Et bienvenue! Ça augmente, là, sur le net, hein? Au Laserland. Combien? Là, on en est à 9 800. Ouais, ça monte. Mathieu! Ouais, Gérard, bah écoute, le salaire d'un dictateur, je sais pas, hein, c'est lui qui décide. Hein. C'est-à-dire? Il choisit son propre salaire, le maximum, le jackpot. Mmh. Ouais, d'accord. Et 15 000 euros net par mois, je pense. Mmh. Bah, je veux dire, si avec 15 000 euros il arrive à s'en sortir, le mec, chapeau. Hein. C'est un dictateur de merde. Bah, c'est pas mal, hein, quand même. Tiens, on s'escouille. Tiens, on s'escouille. T'as déjà répondu, Gérard, je sais pas. Ouais, il y a Che Guevara, hein. Je croyais que tu parlais à Che Guevara, voilà. Bah ouais, ben, il va répondre. Ah bah écoute, moi je pense que bah, le dictateur, c'est le caïd, donc bah, en fait, il prend ce qu'il veut. Donc faut voir que, comme disait M. Mazur, au Brésil, il y a quand même des cartels, des trucs comme ça, et les mecs, ils prennent un maximum. Hein. Attention, ils prennent tout. Hein. C'est des choix. Hein. Ah, ils prennent tout, ils laissent que dalle. Hein, au chat, c'est tout, sans pitié. Après, tu te démerdes avec les miettes, quoi. Mm. Alors, donc, pour moi, les dictateurs est-il... quel est le salaire d'un dictateur? Ben, moi, je peux pas vous répondre, parce que moi, je suis pas dictateur, et puis... Il n'y a pas de salaire. Voilà, puis ça va être... De toute manière, même si j'avais un salaire, je vous donnerais pas mon chiffre à l'antenne. Il dépenserait en vinasse, ouais. Oh là là. Parce que ça vous regarde pas. Ouh. Ah si, je vais vous dire, mon salaire, ah. Mon salaire tous les jeudis est de 0,01 euro. Voilà. Bah, ça va. C'est beaucoup pour ce que tu fais. 0,01 euro. C'est déjà ça. Un an d'économie, tu pourras payer. Les dictateurs doivent-ils rester démocrates? On va demander à Ceausescu. Et puis je pense que ça sera la fin du. Mais c'est quoi la poste, hein, je veux dire. 1h40, là, c'est pas fini. Ça dépend ce que tu appelles démocrate. Est-ce que tu pourrais définir cette. La démocratie. Mais démocrate, c'est pas un groupe de rap, ça? Démocrate D. Allô Gérard. Non, j'ai demandé à Théo Sescouille. Oh, GG, ça monte sur le net là, ça monte hein. On en est à 11 500. Oh là là, bravo GG. Ah, je le savais ça, je le savais. Tu veux une question internet? Il y a une question aussi au standard. Zarbis qui te demande, un dictateur travaille-t-il 35 heures? Ah, très bonne question ça. Pas mal. Non. Combien? Pourquoi? Non, il travaille plus de 35 heures. Et pourquoi? Ben, parce que c'est lui qui le veut bien. Mais il est con alors. Parce qu'il pourrait pas bosser. Ben non, mais même, il travaille plus de 35 heures. Donc, il pourrait bosser que 35 heures, puisque c'est lui qui décide. Il pourrait s'interdire de bosser. Bah ouais. Bah ouais, mais s'il s'arrête de bosser, il aura plus rien. S'interdire, vu qu'il dictate. Ouais, ben ok, alors, ça y est. Non, je sais pas. Je te demande. Non, c'est pas grave. Mathieu. Ouais. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Gérard? Oh non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Les dictateurs doivent-ils rester démocrates? Je te demandais justement de définir démocrate, parce que je sais pas trop si on définit ça de la même manière. Je sais pas trop ce que ça veut dire, en plus. Bon, un démocrate, tu sais pas ce que c'est? Ben non. Quelqu'un qui travaille dans une ambassade? Ouais. C'est un démocrate. D'accord, tout c'est clair maintenant. D'accord, voilà. Alors Mathieu. Écoute, ça va être chaud de répondre à cette question. Ouais. Donc quelqu'un qui travaille où, tu m'as dit? Dans une ambassade. C'est la démocratie étrangère en fait. D'accord, donc bah, je dirais que non, pas forcément, il ne doit pas être forcément démocrate, hein, il peut travailler où il veut, le Lascar. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, en effet, Monsieur Gérard, il existe beaucoup de dictateurs démocrates et l'inverse, bien entendu. D'accord. Bah, écoute, c'est chaud en ce moment avec ce qui se passe dans les ambassades là pour les démocrates. Je crois que non, mais c'est bon, on va pas revenir sur ce qui vient. Les démocrates se font discrets, moi je pense à l'heure actuelle, parce que c'est un petit peu tendu comme profession, quoi. Donc à la limite, dictateur, non, c'est plutôt le moment de faire profil bas là, de la jouer cool, quoi, tu vois. Donc au niveau de la démocratie étrangère, comme tu disais tout à l'heure, c'est un poste à risque hein, maintenant quand même. Hein. Bah t'es d'accord avec moi ou tu fais juste bêtement? Non, mais je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord, je te remercie. Donc pour moi les dictateurs doivent-ils rester démocrates? Eh ben oui. Hein. Oui, entendu, ça va sans dire. C'est la moindre des choses. Il y avait une question, beaucoup de gens au standard demandent si un dictateur se fait licencier de son travail, est-ce qu'il peut toucher le chômage? Et peut-être qu'on peut demander aux auditeurs. À mon avis, je pense pas. Bah, si. C'est une question qui pose aux auditeurs. Moi, je pense pas. À mon avis, personnellement, je pense pas qu'il puisse. Bah, non. Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Vous avez dit tout à l'heure qu'un dictateur était payé. Il était donc salarié. Oui, mais d'accord. Mais est-ce qu'il a des fiches de paye? Voilà la question. Pourquoi un dictateur d'ailleurs ne touche un salaire sans avoir de fiche de paye? Pourquoi? Parce que, comme Monsieur Mazur vient de le dire, c'est du travail au noir et je peux pas me permettre de laisser dire ça non, sur l'antenne. Ça, voilà. Donc voilà, terminé. Pas le droit. Un dictateur, donc ça veut dire qu'un dictateur ne laisse pas de traces, même de pneus. Voilà. Ben ça, on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Peut-être son slip. Ouais, c'est ça, c'est bon. Pensez-vous que les dictateurs pensent au vendredi 13 Stelin? Voilà la question. Ciao, c'est Scouille. C'est débile là. Pourquoi j'ai pas compris, tout le monde a crié? Pensez-vous que les dictateurs pensent au vendredi 13? Parce que moi, faut vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, on est vendredi 13. Ouais. Et comme les dictateurs ont beaucoup de pognon. C'est un bon jour pour lui. Est-ce que, Non, mais moi, vendredi 13, j'en ai rien à foutre. C'est non, pas t'es en galère tous les jours. C'est pas mon chiffre porte-bonheur. Ouais, ça... Pourtant, si, c'est un chiffre porte-bonheur pour moi, mais pas cette année-là encore. Ok, super. Ça, c'est vendredi 13 toute l'année, toi. Ouais, mais même. On verra. On verra ça tout à l'heure sur le chat funradio.fr. Mais tes questions. Pensez-vous que les auditeurs. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Gérard, sans déconner, c'est un débat de merde. La faute professionnelle. Non, mais même, de toute manière, le débat, il était même pas préparé, puis j'aurais jamais dû proposer un débat comme ça, j'aurais préféré rien. Hein. Ouais, mais. Prochain débat. Hein? Ah. Comment? Quoi? Non, non. J'ai mal entendu, là. Je crois qu'il a dit que t'avais pas de poil à ta table. Ouais, répète. Je crois qu'il a dit que t'avais plus de poil à ta table. J'ai pas entendu. Répète, petit. T'avais pas de poil à ta table. Ouais, ça m'étonne. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça, hein. Pensez-vous que les dictateurs pensent au vendredi 13? Ciao, ça se couille. Bah, je pense, oui, qu'ils peuvent y penser. Peut-être qu'ils veulent spéculer sur leur fortune et jouer ainsi aux loteries nationales pour s'en mettre encore plus dans les poches. Mmh. Bah, moi, je pense... Mathieu ? Bah, écoute, oui, ils doivent penser à ce jour merveilleux qu'est le vendredi 13. Un jour de chance et... Bah oui, hein. Et voilà. Réponse de merde. Exact. Ouais, une réponse merde. Question internet, ta gueule. Ouais, mais non, c'est encore des questions. Je peux pas les poser. Vas-y. Bon. Y a-t-il des dictateurs sous le pont de l'Alma? Ouais, non, ça je répondrai pas. Appelle-moi les auditeurs. Je t'ai dit que je pouvais pas les poser. Non, mais vas-y. Un dictateur peut-il voler au-dessus des plaques de verglas? Non, ça je répondrai pas. Y a-t-il un diplôme pour devenir dictateur? Non. Le diplôme du dictateur? Non, ça n'existe pas. Et moi j'ai une autre question aussi au standard qui est revenue plusieurs fois. Peut-on considérer Monsieur Paul, le chauffeur d'une certaine Mercedes, comme un dictateur? Non, mais je viens de dire que je répondrai pas sur l'histoire du pont de l'Alma, donc c'est pas la peine de me poser la même question. Bah mais je vois pas le rapport de... dictateur peut-il être patron d'une usine de coton-tige? Non. Non, je vais pas répondre. Laurent, t'éteins ton portable, non, ça me fera plaisir. Mais je peux pas répondre en direct. Et on est combien sur le site internet avant qu'on termine? On en est à 12 002. C'est bien. C'est bien, c'est mieux que la semaine dernière. On a battu. Tu vas bien? Ouais. Oh là là. Oh Laurent! Attends, bouge pas. Oh s'il te plaît, t'éteins ton portable. On travaille. Oh là là, oh là là. On travaille. Non mais on travaille. Il s'est cru chez mamie. Je pense que on va s'arrêter là. Puis Laurent, la semaine, si tu veux téléphoner, tu sors dehors. Non, c'est bon, j'ai raccroché. Des avertissements, j'ai raccroché. De toute manière, ça fait déjà deux fois dans la soirée que ton portable sonne. Deux. D'accord. C'est pas de ma faute. Est-ce que le dictateur va jouer au jeu à gratter demain? C'est qui pose cette question? C'est Linda. Ah non. Non, malheureusement. Est-ce que vendredi 13, est-ce qu'il va gratter le dictateur? C'est Linda qui pose toujours la question. Non, malheureusement, je gratterai pas. Oh putain, merde! Oh, t'es un casse-couille! Bon, tu peux prendre le standard? Non, mais. Bon, mais je suis désolé, je raccroche. Je le coupe, je le coupe. Coupe-le. Non, mais je le coupe, ouais. T'es cru dans une cabine téléphonique? Non, mais sinon, moi, j'ai. Non, Gérard, par contre, j'ai une question très sérieuse qui est revenue régulièrement. Non, c'est bon. Parce que c'est. Parce que Gérard. Tu fais GG, arrête. Voilà, moi, je vais faire pareil, c'est tout. Il y a un reproche qu'on te fait d'ailleurs au standard. C'est pourquoi tu parles forcément des dictateurs hommes? Parce qu'il existe des dictatrices femmes. On l'a dit tout à l'heure. Ah ouais, mais non, mais. Des dictateuses. Des dictateuses. Mais t'écoutes rien. Je peux être à l'école moi non plus. J'écoutais pas, je travaille, excuse-moi. Non mais tu travailles en faisant sonner ton portable, c'est pas pareil. Non mais c'est une amie, elle va venir d'ailleurs. Mais je m'en fous moi. Ouais. Moi tes amis, elle s'appelle Lily. Ouais non mais c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Non je rigole. Fous-toi bien de ma gueule. Non mais moi j'ai un peu déplacé ton intervention. Fous-toi bien de ma gueule. Mais je rigole. Non, mais continue comme ça, tu m'intéresses. De manière déjà pour le 24, c'est même pas la peine que je compte sur toi. T'es plus au standard. Et pourquoi? Terminé. Il y a des gens qui demandent si Van Lennon était un dictateur. Non. Non. C'est ton dernier mot ou... Oui, c'est mon dernier mot. Donc, la question, tout le monde a répondu. Donc, dernière question. Ah oui. Jusqu'à quel âge peut-on devenir dictateur? On va demander à Che Guevaris. Pour finir. Ouais, c'est le principe de la dictature, c'est que justement il y a pas d'âge en fait. Mmh. Donc en fait quand tu commences ton job, on va dire ton job de dictateur, c'est un job à vie quoi en fait. Mmh. C'est un poste où tu te nommes toi-même à vie. Donc en fait, tant que t'es pas crevé, c'est toi. Et puis une fois que t'es crevé, il y a des fortes chances que ça soit ton fils, tu vois. Mais elle est pourrie, cette question. Mais en même temps, la question est bien pourrie, quoi. Ça, ouais, c'est vrai, quoi. Faut le préciser, quand même. Mais c'est à vie, quand même. Pour une question pourrie, c'est à vie. Voilà. Bon, alors si vous êtes pas content... Mais attends, je t'ai répondu. De toute manière, c'est simple. Il est 1h48. Mais il te reste encore 12 minutes. Non, on va mettre deux disques. Et après, ça va être la conclusion. On continue jusqu'à la fin. On demande si Navratilova était une dictatrice dans les années 80. Ouf. Non. C'est ton dernier mot ? Attends, je quand même. Oui, eh bien, je dirais, je rejoins un peu l'avis général en disant que, effectivement, lorsque l'on est dictateur et que l'on a des enfants, les enfants le deviennent automatiquement par la suite, bien entendu. Ah oui, Mathieu. Bah écoute, je vais répondre la même chose. Oh. C'est trop pourri. Non mais vous avez pas autre chose à répondre que de répondre sur, d'attendre que les gens répondent pour répondre, c'est dire ouais mais réponse. C'est pareil. Tout le monde doit avoir une réponse différente. Ouais, ça se couille, c'est pareil. Bon, oui, bah, non, pas du tout. D'autres réponses. En fait, c'est basé sur la fratrie, le dictatorisme. Ouais. Tout est basé sur la fratrie. Donc, après la fratrie, on passe à la descendance. Ah, c'est vrai que ça peut être le frère aussi. Ouais. Si se nettoie, c'est donc ton frère, tu vois. Voilà. Ah, il se nettoie pas, là. D'accord. Dernière question. Ouais. Il y a une question internet, là. José Bové est-il considéré comme un dictateur? Dictateur pour dictateur. Alors, donc en fin de compte, c'est vrai qu'en fin de compte, lui, c'est un vrai dictateur parce qu'il a vraiment fait que des conneries. Ah ouais, et il continue d'en faire. Il a fait de la prison pour ça. Ouais. Il a la même moustache que Staline, en fait, en plus. Ouais, c'est ça, bon, ouais, c'est bon. Et il a pété la gueule à Ronald McDonald aussi, hein. Ouais, non, mais c'est bon, voilà. Ah, quand même, hein. Est-ce qu'on est dictateur, et si oui, pourquoi ? Je crois que j'irais, il a la moustache à Lénine. Voilà, je vois pas... C'est quoi la dernière question, là ? Attends, laquelle ? Là, parce que je comprends... Là, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est dictateur ? Est-ce qu'on est dictateur ? Est-ce qu'on est dictateur? Si oui, pourquoi? Ça sera la dernière question. Alors, super. Ouais. Et sinon, pourquoi ou pas? Moi, j'ai plus en tout. Tiens, Tsescouille. Oui, est-ce qu'on est dictateur? Non, bah pas, oui, en fait, oui, si on se base sur la fratrie, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait de descendance. Ah. Allô? Si oui, pourquoi? Parce que justement, c'est un héritage que l'on a. C'est trop chaud. Tu penses qu'on va hériter? Tu penses que tu vas hériter d'un dictateur, toi? Tu hérites du titre de ton père. Ouais. Oh là là, n'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, oui. Mathieu. Monsieur Mathieu. Mathieu, pour terminer. Je dirais que. Va te faire péter le cul par tout le monde. Il a tout dit, le gamin, je crois. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est un gamin de 12 ans qui se permet d'insulter Max et... Oui, il est encore un dictateur. Non, mais c'est vrai. Qu'il le dise en entier, qu'il parle en entier. Non, mais c'est vraiment un petit branleur. Ouais, c'est vraiment... Le son sur MD, enfin. Non, mais c'est vraiment un petit branleur qu'on a eu à Neuilly. Balance. Écoute. Va te faire péter, tu partiras, espèce de connard, espèce d'enculé, va te faire foutre. Va te faire sucer jusqu'au glande, allez, c'est en merde. Va te faire péter, tu pars tout le monde. Connard, tête de gland. Putain, c'est pas possible. Pas possible. Et ben, de... N'importe quoi, ce petit bronzeur. Je un petit jeune qui m'avait insulté sur mon répondeur. Ah ouais. Ouais, non mais je vous préviens que ça, des trucs comme ça. J'en veux plus, moi. J'en veux plus et moi non plus. Donc en de bon entendeur, salut. T'en veux plus, toi non plus. Ta gueule, allez, va te faire enculer, jeune branleur. GG, il y a une question de Canard Sauvage qui demande quel serait ton programme électoral si t'étais dictateur. Moi, j'ai aucun. Avoir du poil à la tobe. J'ai envie de câlin. C'est chaud ce soir. Putain. Non, mais c'est vachement chaud et depuis minuit et demi, c'est comme ça. Les deux abricots, ça ressemble à quoi? C'est un gros, tu rigoles, mais attends, mais là, non, c'est... Moi, ça me fait pour rien. C'est la bérésina, là. C'est un bulldog mystère. N'importe quoi. Non, mais moi, ça me fait pas rire du tout, donc... Question de M. Cousin. T'étais dictateur du cul. C'est arrêté de rigoler, putain. Elle fait quelque chose que là, c'est le bordel, ma pensée. Question de M. Cousin. C'est apocalyptique, là. Ah, Manu. Mais c'est pas moi. Manu. C'est pas mais j'ai les mains dans les poches. C'est pas lui, hein. C'est pas lui, hein. Non, c'est pas toi. Bah non. Non. J'ai les mains dans les poches. Non, c'est pas toi. Tu crois que je vois pas clair? Bah oui. Manu. Hein? Alors, non, mais c'est pas moi, Gégé. Prends pas pour un con. Me prends pas pour un con parce que ce soir. Tiens, regarde, c'est moi. J'ai pas bougé. De manière, c'est simple, le débat est terminé. Gérard, c'est géré, mais n'importe quoi. Le débat. Le débat est clos. J'ai peur d'avoir les courbes demain. Il est parti, s'il vous plaît. Vous pouvez appeler-le gentiment parce qu'il faut qu'il revienne quand même pour la conclusion. Reviens, gentiment, les gars. Là, on a des croquettes. Gérard, je vais tailler une nouvelle jambe. Gérard, reviens. On fait quoi, nous? Attends, je vais gauler son portable, je vais peut-être prendre des numéros. Vas-y, balance, j'appelle tout de suite. Attends, parce que si, par contre, s'il me voit, je suis décédé. Attends, mais le téléphone. Eh, mais il y a un code PIN. Non. Attends, mais ta main va fondre. Le voilà. Applaudissez-le. Bravo, Gérard. Encore. Allez, GG. Gérard, faut être pro. Non, mais de toute manière, c'est la conclusion du débat. Oui, c'est on conclut, là. Oh là là. T'es perdant, là. Elle a cool, quoi. Non, c'est la conclusion. Bah, je sais, elle a cool. Conclusion, Tchao, c'est scouille. Tchao, c'est scouille. Bah, écoute, un débat, ma foi, qui se termine bien. Une deuxième heure très bien tenue par toi. Et, bah, écoute, je suis contente. Ok. Voilà, pour une fois, ouais, je suis content. Bah, la semaine prochaine, dans 15 jours, si tout se passe bien. Ah, bah, si tu veux me rappeler, il n'y a pas de problème. Hein. On verra. Mathieu. Je te dirai après, alors. Et un gros bisou à tout le monde. Mathieu. Ouais, Gérard, bah, moi aussi, je trouve que c'était un super bon débat, des super bonnes questions. Vraiment, le thème était excellent. Ouais. Faudrait que tu parles un peu plus souvent des choses sérieuses de la vie. Parce que je pense que t'es un peu la personne qui pourrait régler ce genre de problème. Ça veut un peu rien dire, ce que je viens de dire, mais bon. Bah, il faudrait qu'il aille pour les. C'est vrai que le conflit au Moyen-Orient, il pourrait peut-être faire quelque chose. Ah, c'est en novembre. Tchèque Varis. Oui, alors, bah, écoute, moi, j'étais impressionné par ta prise de risque, en fait, au niveau du thème du débat. C'est vrai. Parce que c'était un débat, qui n'était pas facile à maîtriser. Et, en fait, on a bien vu que tu ne l'as pas maîtrisé du tout. Sinon, bah, écoute, c'était un très bon débat. J'étais content du retour de mon pote Manu, quand même. Ça fait plaisir. Ah, c'est gentil, les gars. Ah ouais, je suis une petite. Et puis voilà, est-ce que tu peux donner le thème de dans 15 jours? C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure. Non, pour l'instant, j'ai pas le thème, mais vous le saurez. Attends, un peu de teasing, là, quand même. Non, on peut pas. Avec ce qui s'est passé sur Nîmes, on fera pas les Ferrias. Il n'y a pas de taureaux, ils sont noyés. Qu'est-ce qui s'est passé sur Nîmes, Gégé? Non, justement. Gégé, qu'est-ce qui s'est passé sur Nîmes? On va laisser Monsieur Mazur pour conclure. Ouais. Pas trois heures. Non, bien entendu, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Écoutez, Monsieur Gérard, je ne dirai qu'une seule chose face à ce brillant débat, c'est que les dictateurs, quels qu'ils soient partout dans le monde, n'ont qu'à bien se tenir après les propos qui viennent d'être dits sur cette antenne. D'accord. Merci, Monsieur Mazur. Je vous en prie, Monsieur Gérard. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Monsieur Gérard. Donc, voilà. Donc, conclusion du débat pour moi. Alors, règlement de compte. Ah, ok, Coral. Très mauvaise équipe. Oh, merci. On n'a rien fait, nous. Hein. Merci. Non, mais sympa. Merci, Gérard. Ok. C'est moi qui commande pour l'instant. Ouais, très mauvaise équipe. Parce que Manu, déjà, tu m'as laissé des insultes sur moi. Ça n'a pas arrêté. Donc, pour moi, c'est une très mauvaise. Un très mauvais débat. On a terminé à combien? sur le site internet. Excuse-moi, ça va, on en a terminé à 13 800. Bah alors, tu vois, ouais. Alors, ah mauvaise ouais, équipe, tu vois, mauvaise équipe. Non, mais même. C'est pas parce que c'était mieux que la semaine dernière, mais question ambiance nulle. Les insultes sur Max, ça y a été gogo du début jusqu'à la fin. Sur moi, ça continue avec Christine, tu regardes tout ce standard. Je ne veux pas le savoir. Donc la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le débat du 24, c'est bien ça? Ouais. Donc débat du 24. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est Laurent, tu mets à ton micro s'il te plaît. Ah pardon. Merci. Débat du 24, donc ça sera pas les Péréas, ça sera un débat sur les inondations qui s'est passé. Ah non mais même. Non. Les Féréas. Ouais, c'est trop jeune, c'est trop récent. Les inondations, c'est pas trop le moment, non, GG, hein. Ah mais même les Féréas. Non mais même sur Nîmes. Non, sur Nîmes, il y en a pas. Le 24 là. Non. Pourquoi? Non mais juste le 24 parce que... Qu'est-ce qui s'est passé à Nîmes, GG? Il faut que j'apprenne quand même un peu, sinon ça sert à rien. Ouais, attends, quoi. Je vais faire un débat sur quoi là? On verra. Ah. On verra, je t'appellerai dans la semaine et c'est tout. Et je peux venir le 24 ou pas alors moi? Non. Et moi? Pourquoi? Et moi, GG? On verra. Oh là là. Et moi pas du tout, c'est hors de question. Non, mais non toi, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Mais il faut donner le thème de débat, genre. C'est dégueulasse. Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on avait... Les Féréas, c'était bien, les Féréas. Il y avait les Ferrera de Nîmes. Mais même, elles n'ont pas lieu étant donné les circonstances qui se passent là-bas. Donc ça a été annulé. Bah, déjà en hommage, premièrement, puis on pourrait faire bon les inondations pas trop. Sinon, il y avait un débat, on devait faire sur la politique, mais là... Non, mais là, sur la politique, c'est même pas la peine. Si c'est un débat comme on vient de faire ce soir, c'est même pas la peine. Alors, on va être attaqué en justice, là, c'est clair. Non, mais même, on verra... Non, mais il faut donner le thème, là, on peut pas rester... Bah, tu gardes... Bah, écoutez, comme dirait Gérard, tenez-vous-en sur vos gardes à voilà. Tout moment. Donc, je t'appellerai dans le courant de la semaine pour te dire le thème du débat. Bah, surtout cette semaine, elle va passer vite, on est déjà vendredi. Bah ouais, mais comme en fin de compte, c'est annulé pour... Tu m'appelles sur mon portable que t'as pas, donc ça va être dur, mais bon. Non, mais je t'appellerai dans le bureau, c'est tout. Surtout, ouais. Appelle-moi dimanche. Voilà. Non, je t'appellerai lundi et je te dirai le thème du débat. Mais tu vas donner un thème, là, t'es... Non, bah tiens, on va faire un débat sur l'insécurité, puis voilà, tiens. Oui. Voilà. Ah bah voilà, au moins faire avancer les choses. Voilà, bah, là, l'insécurité. C'est Max qui parle, qu'on prenne comme témoin tous les auditeurs et tous ceux qui sont dans le studio, parce que ce débat de ce soir, alors qu'on en avait discuté ensemble, quand t'es arrivé énervé, t'as dit que la dictature, les dictateurs, ça ne t'intéressait pas, donc quelque part tu me l'as mis sur le dos.